Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, salut à tous, ça y est, nous y sommes mardi soir de 20h à 22h30 dans l'émission 80 à l'heure sur RQC. J'espère que vous portez bien et que bah, vous profitez du temps. Alors évidemment, il fait pas très beau en ce moment, mais dans les studios, il fait très chaud, ça je peux vous le dire. Il fera un petit peu moins chaud aujourd'hui parce que Canon ne sera pas là. C'est vrai. Donc ouais, malheureusement, il sera pas là. Mais on va faire un tour de table avant de parler de Canon, bien évidemment. Alors je vais commencer par lequel le plus beau, je sais pas, Flip4 peut-être. Allez, Flip4, salut Flip4. Bonsoir. Bonsoir, oula, quel enthousiasme. Non, c'est parce que j'ai... ouais. Bonsoir. Voilà. Ah voilà, ça va mieux. Hein. Hey, comment ça va? Bah très bien. Bon week-end. Merci. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de beau? Rien d'extraordinaire cette fois-ci, un petit peu plus calme, de mémoire. Ouais je pense. De mémoire, ouais. Il est bien chargé à mon avis ton week-end, non? Non. Un peu plus calme que les précédents. Non, sérieux, j'ai eu... Et ça fait du bien parce que bon, il y avait aussi réunion de famille du dimanche. Ouais, ça fait du bien parce que tu as vu non plus. Mais ça fait du bien de temps en temps qu'il y ait des choses qui t'obligent un petit peu à lever le pied, quoi. Parce que, réunion de famille avec le fiston ou... Non, pas encore. Week-end prochain. Ah, bien. Donc on aura l'occasion de voir Rafi. Voilà. Ah, il viendra dans les studios, j'espère, la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Toujours un plaisir pour lui. C'est lui qui le demande, de toute façon. Ah, bah, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Peut-être que ça il te remplacera bientôt. Hein, parce que t'es bientôt à la retraite, toi. Oui, bien sûr. Ouais, on verra. Oui, peut-être encore et un peu. Et ça, avec ton déambulateur avant moi, tu sais, on sait jamais. Hein, ah, qui sait. Bon, on fait un pari. Qui aura le déambulateur? Mais c'est ça quand on est jaloux, en fait, c'est ça. Ah, c'est oui, quand mon état de conservation, ça te rend jaloux. Je vois bien que ça te. Ah, ouais, carrément. Bon, toi, ce soir, évidemment, on te retrouve. Bon, tu es pendant toute l'émission, tu es là évidemment, ouais. Mais à 21h30, ouais. Voilà, chronique sur un groupe que j'adore. Oui, bah en fait, c'est. Je vais dire, je cherche un petit peu. Bon, je me suis dit. J'avais déjà préparé des chroniques et je me souvenais que tu m'avais demandé une fois parce qu'on en était venu à parler des covers. Ouais. Et dans un style qui est plus mon style. Plus alors on appelle ça aussi toujours des covers C'est des covers, c'est des reprises. Okay. Oui, c'est un. Et on avait parlé, on en était amené à parler d'un groupe qui faisait des reprises puisque vous me charriez toujours avec des frappants. Bon, là en l'occurrence, il s'agit des Baseballs. Oui, j'adore. Voilà. J'adore. Alors même si je dirais qu'effectivement les covers sont pas des titres des années 80, ouais. Je n'en ai trouvé qu'un en fait, hein, au travers. Il fallait que je croise, il y a peut-être d'autres titres dans leurs albums, non, essentiellement des reprises des années 2000, fin 90-2000. Bon, celle qui a marché, de mais façon, des Bells Balls, c'est Umbrella. Umbrella de, oui, bien entendu. Ouais. De Rihanna, évidemment. D'accord. Et en fait, pourquoi je dirais que je me suis dit, tiens, c'était à la fois pour faire plaisir, parce que je sais que tu me l'as demandé, ouais. Je ne l'avais pas fait depuis. Et en même temps, je pense que ça va compléter, ça viendra un petit peu avant ce que va faire, qui est en complément également de ce que fait Sherlock. Que Sherlock ne fera pas ce soir d'ailleurs. Ah, il ne fera pas ce soir. Non, il le fera pas. Non. C'est vrai. Ouais, non, il le fait pas justement. Bah non, bah, parce que j'aime bien ces trucs-là. Bah ouais, mais là pour le coup. Bon, bah. Ah, les covers, non, bah non, j'avais. Il va s'expliquer. Il va s'expliquer. Ah, bah, et d'ailleurs, oui. On va le saluer, notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va, t'es tout gay? Très bien, bah oui. T'as mis ton beau t-shirt ce soir. Hein. C'est vrai, c'est mon chien. C'est vrai. Ouais, il ressemble en plus, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, sérieux. Si, si. Il a un chien. Ah, je pensais que tu voulais dire qu'il ressemble à son chien. Alors, il a un t-shirt avec un chien avec des lunettes roses. Et vraiment parfait pour la Gay Pride. Bah c'est un peu façon Karl Lagerfeld en fait. Façon Gay Pride hein, plutôt, excuse-moi. Mais, aussi, bah oui, mais c'est vrai que toi tu connais bien. J'allais dire, t'en connais rien. Et au fait, quand est-ce que tu y retournes? Octobre 2018. Hein. Tu nous envoies quelques photos? Ah ouais, ouais. Ah non, c'est pas la Gay Pride en octobre. Ah oh, non, c'est en avril, je crois. C'est tu en vas avril, louper là. Ça. Ah ouais, ça c'est. C'est en avril, donc non, je. Très beau souvenir, hein. Ah oui. Et au fait, t'as eu des nouvelles de. Ouais, ça va. Oui. Bon, Sherlock, alors ce soir, oui. Évidemment, tu vas nous parler de cinéma à 22h. Oui, bien sûr, les sorties ciné de la semaine. J'espère que tu vas nous donner envie. J'allais dire. J'espère. Ouais, il serait temps, hein, parce que depuis le temps. Au moins, quand vous écoutez la chronique, vous savez quel film il ne faut pas aller voir. C'est vrai. Ouais, quelque part, ça nous rend service. Ah, tu vois. D'ailleurs, il faut t'en remercier, oui. Voilà. À 20, je sais plus, 20h30, en fait, ta chronique ou pas? Non, 21h. C'est 21h. 21h. Hein. Ouais. Chronique assez spéciale cette fois-ci. Oui, bah là, je vais essayer de vous coller. Ouais. Je vais vous. Comment dire? Ça y est, comme tu m'as dit. Non, comme tu m'as dit tout à l'heure, je vais slammer des chansons. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je vais parler, en fait, je vais dire les paroles des chansons, mais sans les chanter. Ouais. Et vous allez essayer de retrouver les chansons. Et bon, alors, Flip 4, que... oui. C'est que des chansons en français, je suis désolé. Ah, donc je suis. Ça, ça va être un peu compliqué. Mais excuserai sans son moi. Qui va nous faire le petit corps valide, alors, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Le petit corps boiteux. Ok. Et ben, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire une coupure musicale. Mais oui. Vous l'avez annoncé. la semaine dernière, on va recevoir, juste après la coupure musicale, les Didi's. Alors ça vous parle peut-être un peu moins, on a balancé l'événement sur la page Facebook. Donc les Didi's vont se produire samedi soir, donc au Palais des Sports, qui est un bar, ma foi, très très sympa sur Waterloo. Donc pour clôturer un peu la saison du café, qui marche très très bien, donc ils vont se produire, ils sont deux. Il y a un claviériste et il y a un batteur, donc ils font des reprises, et ma foi, alors c'est un peu entre le baloche, tu vois, c'est vachement sympa, mais ils vont s'expliquer, ils vont se présenter, et puis et on aura l'occasion d'écouter quelques-unes de leurs produits. On les recevra juste après cette coupure musicale. C'est les Didi's. Et les Didi's. Bref. C'est tout, c'est pas grave. Donc, Sherlock. Oui. Petite coupure musicale. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Michael Jackson avec Wanna Be Starting Something. Ouais. Qui veut dire On va commencer quelque chose. Toi et moi. Et ensuite, parce que c'est l'anniversaire du bassiste d'Earth, Wind and Fire, qui s'appelle Verdine White. Ouais. Et bon, on va mettre un petit Earth, Wind and Fire avec Let's Groove. Ah ouais. Come on, groove tonight. Ouais. Bien, non? Ouais. Ouais. Enfin, on va écouter la chanson. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Stop it. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. J'ai même pas envie de parler parce que j'adore cette chanson. Non, vraiment, sérieux. Lee John, évidemment, on vous retransmettra l'interview. Oui, quelques semaines à la rentrée. Assez sûrement sous peu. Oui. Bon. Interview que nous avons fait d'ailleurs. Faites, mon ami, faites. Fait. Interview que nous avons faite. Oui, que nous avons faite, tout à fait. Oui, bien sûr. Fait. Mm-hmm. Je ne me rappelle plus la date. Ça monte. Hein. Oh, il y a peut-être un an et demi, je pense. Ah, tous les ans, au moins en deux avril, ans. Il me semble. C'était un mois d'avril, ça c'est certain. Et je veux dire. C'était mes débuts à la radio, c'était ma première interview. C'est vrai. Interview, première interview. Et dernière d'ailleurs. Oui. Non, parce qu'on ne prendra plus. Insortable, ce mec. C'est vrai que. Attends, on fait une interview avec Flipkat. Ouais. Et il est même pas foutu de nous rendre une interview qu'on puisse passer à la radio. Bah ouais, c'est carrément, dingue, franchement, quel. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Il y a un gars, en fait, qui doit me filer la bande-son, quoi, en fait. Oui. Oui, bon, alors on va passer à un autre sujet, hein, n'est-ce pas? On va passer à un autre sujet. Et d'ailleurs, qui a fait. Dois-je le rappeler, Lee m'envoie des SMS. Oui, arrête! Parce qu'il y a plus ton numéro. Ouais, je lui dois 100 livres. Oui, voilà. C'est ça. 100 pounds. Oui, 100. Ouais, c'est même un petit peu plus. Merci de me le rappeler. même un petit peu plus. Fais gaffe que ça, là, Lee va le remonter en ce moment. Ça pue pour toi, mon gars. Je sais, je vais attendre un petit peu. Eh oui, alors il m'a demandé si je pouvais balancer ton numéro parce que j'écoute Lee. Je suis transmettre. Il l'a? Ok, qu'il a mon numéro, bah, ouais, évidemment, bon. Bien sûr. Bon, avant de recevoir évidemment donc le groupe les Didis, un petit message. J'ai manqué à mes obligations. Nous avons manqué à nos obligations. Mm-hmm. On fait un petit coucou à Canon qui sera pas avec nous ce soir, oui. Pour des raisons professionnelles. Donc on le bise. Et puis bah Onissa aussi également, bah, oui. Pour des raisons un peu plus personnelles ne sera pas ici ce soir. Bon, j'espère que tout va bien pour elle. En tout cas, on lui fait des gros bisous et on la retrouvera évidemment donc la semaine prochaine. Semaine prochaine avec notre ami Stéphache, si je ne m'abuse. Ah oui. Et oui, il y aura exact. Le FMX 80. Ouais, donc, ouais, normalement, prochaine. Il devrait être là, hein, je pense. Voilà. Oui, il l'a annoncé, 1er août, il sera là. Voilà. Très bien. Eh bien, revenons à nos moutons. Enfin, nos moutons, pas nos moutons. Revenons à nos artistes, ceux que nous allons recevoir ce soir, puisque je vous en ai parlé donc la semaine dernière. Ils vont se produire donc au Palais des Sports. Ils s'appellent les Didis, comme les deux lettres D-D. Apostrophe S. Okay. Les Didis sont avec nous. Alors ça me fait rire parce que les Didis, ça fait un peu. Alors c'est bien les plus loin, Didis, hein, on s'entend bien. Didis, c'est toi que je vois dans le noir. Ah non, en plus, je fais la voix de Jen. C'était Jen Perkin, tu vois. Ah non, moi j'aurais dit Eddie Murphy, je sais pas pourquoi. Mais... Ah peut-être aussi. Hé oh, mec, ouais. C'est toi que je vois dans le noir. Alors nous sommes avec Patrick et Cyril du groupe Les Didis. Alors on va commencer par le plus jeune, Patrick. Bonsoir Patrick. Merci Stéphane. Non, c'est Harry, moi. Harry. Salut Patrick. Salut Harry. Comment ça va? Très bien, et toi? Bien, bah déjà, ouais. Je voulais te remercier de nous accueillir avec toute ton équipe ce soir. Ah, bah ça fait un vrai plaisir. C'est une première, parce ouais. que ça fait un bout de temps que tu nous invites. Oh là là, mais l'invitation a été lancée il y a un an et demi, je crois. Oui, il y a un an et demi, facile. Ouais, facile, ouais, carrément. Donc on a accepté avec joie ce soir. Ouais, et bah écoute, pour nous, ça va être un vrai plaisir, et ça va être aussi un plaisir pour les auditeurs qui vont vous découvrir ou vous redécouvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas en tout cas. Vous êtes deux, alors il y a Patrick claviériste. Claviste. On dit claviste? Oui, claviste, je pense. Ah bon? Non, claviériste. Hein, claviériste, sur ah ouais, aussi, ouais. Je crois. Ah bon, ouais. J'avoue, je suis pas un vrai musicien non plus. On va demander à Maître Capello. Ah, il est parce que oui, claviériste, le clavier est plus complet, c'est pour ça. Ah, c'est possible. Il y a plus de tout. Voilà, et donc on met un franc dans le noir. Dans le noir. C'est ça, absolument. Donc on va dire claviériste. Claviériste, et puis il y a Cyril qui est avec nous aussi, qui est le batteur. Tout à fait. Ouais. Baptiste. Batteur et non Baptiste. Hein. Ouais, c'est ouais. Ça. C'est vrai qu'il y en a qui est souvent Baptiste. Et donc, vous êtes deux, formation de deux. Voilà, vous faites quelques petits concerts à droite et à gauche. On a eu l'occasion de vous voir il y a quelques semaines dans le cadre donc, de la brocante du Crétinier. Vous vous êtes produit en extérieur et vous avez eu votre petit succès quand même. C'était assez sympa. Alors, parlez-nous un peu des Didis. C'est un groupe, vous êtes deux. Vous faites quoi? Qui prend la parole? Patrick, Cyril? Cyril? Alors les Didis. Allez Cyril, lâche-toi. Oui, bah, les Didis, donc dans le nom en fait, c'est les deux lettres de nos noms de famille. Ouais. Donc voilà. Donc on les taira, hein, on dira pas que c'est... pas publicité. D'accord, voilà, on les taira vos noms en tout cas, on dira que... c'est D pour Dupont et Durand, voilà. Voilà, absolument. Ou Dupont et Dupont, hein, ça peut ou le faire. Ou Dupont et Dupont, absolument. Ouais. Donc les Didis, et donc vous faites des reprises. Oui, bon, ça passe de Johnny, en passant par téléphone, YouTube, Edith Piaf, un peu de tout pour tout ouais. le monde. Ah ouais, c'est très éclectique alors. Voilà. Ah ouais, donc c'est ça balaye toutes les années, quoi. C'est des années 50 jusqu'à aujourd'hui ou pas? Pas encore aujourd'hui, non. Non? Non, pas encore. D'accord. Les années 80, vous en faites 80, oui, on en fait, ouais. Alors justement, vous connaissez un peu le principe de notre émission, puisque l'émission c'est 80 à l'heure. Si je vous parle des années 80, pour vous, ça, évidemment, ça vous parle, j'imagine. Cyril Dino, donc ça ne me parle pas. T'étais pas né. Bah ouais, évidemment que t'étais pas né, forcément, mais Napoléon, t'étais pas né, mais tu connais. Ouais. Bah oui. Alors, Patrick, pour toi, si je te parle des années 80, c'est quel chanteur, c'est quel groupe, c'est quel artiste Oh, c'est un peu tout, un peu tout le monde. Ouais, bon, il y en a un que tu préfères, plus qu'un autre, je sais pas. Il y a tellement de noms que ça, j'arrive pas à les sortir. Oh, bah, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Plutôt francophone ou anglophone? Anglophone, francophone aussi. Ouais. Plus anglophone. D'accord. Cyril? Moi, c'est rock, ouais, anglophone aussi. Ouais, ah, c'est bien. Vous faites quoi, par exemple, alors? Qu'est-ce que vous faites comme reprise? Anglophone. Anglophone. On fait du Abba. Abba. Ah ouais? YouTube. Ah ouais? YMCA, Village People. Ouais. Ah oui. Après, il y avait qui je sais plus. Parce que vous avez une setlist vachement large, parce que quand vous produisez pendant combien de temps? 2-3 heures? Ça dépend. Là, on a fait une grosse prestation lors de la journée du Crétinier. On a fait une prestation de 6 heures. C'est ah, sérieux? Sérieux? Très fatigant. On a fait une prestation de 2 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Cyril y a fini avec un petit coup de soleil. Ouais. Le lendemain, on n'a pas bougé. Ouais. C'est très fatigant, ouais. Mais quand tu dis 6 heures, ça veut dire que pendant 6 heures, c'est des titres différents ou vous en reprenez tant Non, on a fait des titres différents, ouais. Pendant 6 heures ? On a un répertoire de 200 chansons à peu près. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc il y a beaucoup de travail de préparation pour préparer les morceaux, les mettre dans l'ordre dans lequel on va les jouer. Ouais. Donc il y a la répétition. Oui, alors c'est tous les dimanches matins, déjà, vous répétez tous les dimanches matins. Donc on fait des répétitions tous les dimanches matins au Cercle Saint-Joseph. Mm-hmm. Bon, c'est pas la publicité, hein, c'est un cercle. On peut en parler, c'est chez Dominique. C'est un cercle, c'est une association. Et non pas vicieux, attention, hein, c'est un cercle, mais tout pas vicieux. Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais remercier Dominique, Maton et Lily pour nous recevoir tous les dimanches matins. Tous les 10 dimanches matins. Tous les 10 dimanches matins. Alors c'est les 10 premiers de l'année alors. Tous les 10 dimanches matin. Ils nous reçoivent 3 dimanches. Non, excuse, parce que quand on part dans des délires comme ça, ouais, ça y est, on peut jouer 3 dimanches par mois. Ouais. Donc on les remercie beaucoup, ils nous prêtent la salle bénévolement. Donc on peut répéter, on peut mettre du son. On essaie de faire. Là, on a créé il n'y a pas longtemps des apéros. Répète. Ah oui, oui, musicaux. C'est vrai. On a commencé à faire. Merci. Des apéros Harry. Musicaux. Eh oui, c'est vrai. Merci Harry, c'est toi qui m'as donné l'idée. Parce qu'on jouait tout seul dans une grande salle. Et Harry nous a donné l'idée de faire un petit peu de publicité, ramener les gens, faites un apéro musical. Exactement. Et on s'aperçoit que ça commence à marcher, il y a des gens qui viennent. Les gens, là on en a encore fait un ce week-end, mais sans faire de publicité, il y a des gens de l'extérieur qui sont passés, ça s'est très bien passé. Bah moi je suis passé d'ailleurs, mais. Par contre, vous aviez rien fait pour moi, quoi, pas une seule chanson. Par contre, je voudrais préciser, à chaque fois qu'il y a des gens qu'on connaît qui viennent, il ne faut pas nous payer un verre à chaque fois, parce qu'après c'est très difficile de jouer. C'est très difficile. Surtout parce que, oui, en bougeant, on transpire beaucoup, c'est surtout ça. C'est ça. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, parce que évidemment les Didis, on va apprendre à les connaître, on va essayer de comprendre aussi leurs inspirations, pourquoi ils font tel choix, pourquoi tel titre, comment ils font ces choix-là, et comment ils en sont arrivés là. Hein. Je veux en savoir un peu plus sur Patrick et Cyril, parce que, alors, Patrick, je connais pas trop son historique, Cyril un peu plus, hein, puisqu'il est musicien depuis très longtemps, dans de nombreuses formations, et tu nous en parleras justement, vous nous en parlerez juste après cette coupure musicale. Oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite roulette son, tiens? Ah ouais. Oh, je sais que t'aimes bien Sherlock. C'est vrai. Propose-la à Patrick et Cyril, tiens. Allez. Alors, je vous propose une roulette song, c'est-à-dire que je vais faire défiler les titres devant moi, sans regarder. Vous me dites stop au moment où vous le voulez, et je m'arrête dessus. C'est parti. Stop. Bob Marley avec Could You Be Loved. Oula. Vous en jouez du Bob Marley ou pas? Du reggae, non, pas encore. Pas encore? Ah. À la batterie, à ce qui paraît, le reggae, c'est très compliqué. Je sais pas. Mais je sais que ça vient du ska à l'origine. C'est du ska ralenti. Ouais. Mais je sais, enfin moi c'est un batteur qui m'avait dit que le reggae est très, très compliqué à jouer à la batterie parce que tout est en contre-temps. Oui, ah ouais. Donc, ouais. Comme le ska, même au niveau de la guitare. Ah bah Cyril peut nous confirmer puisqu'il est batteur. Ouais, tout à fait. C'est vrai, en contre-temps. Ah, ouais. Comme la guitare qui est rythmique, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais. D'accord. Allez, Cyril, tu vas me faire le deuxième titre. C'est parti. Allez, stop. Christopher Cross avec All Right. Ah, bon, on en a eu un la semaine dernière, justement. De Christopher Cross? Oui, il avait ses lignes. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, exact. Si tu me le demandais, je vais l'aller voir. Oui, c'est vrai. Eh bien, on va continuer en musique, et puis on se retrouve juste après avec le groupe Didi's. Allez, c'est parti. Thank you. Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Eh oui, partenaire particulier. Donc, partenaire particulier que vous retrouvez d'ailleurs dans Star 80. Oui. Alors, Star 80 qui va se reproduire sur l'île. Ils vont se produire à nouveau sur l'île. Ils vont peut-être se reproduire aussi sur l'île, on sait pas. Je pense que c'est en fin d'année, si ma mémoire est bonne. Et ils seront au Zénith de l'île. Et il y aura partenaire particulier, évidemment. Je pense qu'il y a Sloan aussi qui sera là dans Star 80. Enfin, tous les artistes de Star 80, évidemment. Ouais. Et il y aura aussi la sortie du film Star 80. La suite. Le 6 décembre. Le 6 décembre, donc tout va se chevaucher. Si vous aimez les artistes des années 80, bah, vous aurez à la fois le film, le concert. Et puis n'oubliez pas non plus que vous aurez donc la retransmission de l'interview de Sloan, de Thierry Pastor, oui, et de Pat O'Tawan. Donc là, ce sera certainement... Alors, vu que c'est les vacances, machin, à mon avis, ce sera peut-être début septembre. Hein. Je pense, oui. J'ai passé toutes les bandes son à Canon. Ouais. Donc là, c'est lui qui est en train de... faire la post-production. C'est ça. Il y a un petit trailer hein, d'ailleurs qui traîne sur la page 80 à l'heure, sur lequel vous pouvez voir une petite vidéo, un petit avant-goût de ce que vous écouterez, en tout cas, d'ici quelques semaines, hein, puisque effectivement on va arriver au mois d'août, ça va être un peu calme. Au passage, on a un petit coucou d'Alain Informatique. Oui. Voilà, il nous dit les Stranger Things, c'est ça, des années 80. Je ne comprends pas bien, Alain, ce que tu veux nous dire, mais en tout cas. Coucou à toi. Ah, je sais pourquoi. Pourquoi ? Vas-y, dis. C'est parce que j'ai mis un lien en fait sur une série qui va repasser. Et puis voilà. Et c'est quoi cette série ? Je pense que c'est ça. Hein, tu me dis si je me trompe, Alain. Ouais, bah, j'ai pas vu répondre, la première série, mais c'est mais c'est un trailer. J'ai mis la vidéo. Apparemment, c'est comme j'aime bien le fantastique, c'est avec des gamins. Et lui avait fait une petite aparté en disant oui, on replonge dans les années 80, un petit peu comme dans l'ambiance des Goonies à l'époque. Et je pense que il fait référence à ça parce que je pense que cette série s'appelle comme ça. D'accord. J'ai découvert par un pote et c'est. Elle s'appelle comment ? Goonies ? Non, Stranger Things. Ah ouais, donc c'est du private joke avec Flip Cat. Oui. Alors j'avais précisé que j'étais pas un passionné des années 80, mais c'est parce que c'est le style de film qui me plaisait. D'accord. Mais de là, il m'a expliqué que c'est parce que ça nous replonge dans une ambiance années 80, cette série. D'accord. Une série fantastique, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc je vais découvrir la première avant de voir la deuxième qui devrait sortir sous peu. Ok, et ben voilà, ça éclaire nos lanternes. À l'informatique d'ailleurs que vous retrouvez, c'est tous les samedis, c'est ça, Sherlock ? C'est ça, oui. De quelle heure à quelle heure, je ne me souviens plus. C'est une bonne question. Regardez dans la grille de programme sur le site internet de RQC. Ça doit être 10h30 ou 10h-13h30. Ouais, bah qui nous confirme, tiens, justement. C'est le samedi matin, je sais que c'est. Qui nous mettent un petit lien, justement, sur notre page 80 à l'heure, oui, pour qu'on sache une bonne fois pour toutes son émission. l'émission du côté de chez Léon, c'est ça, non? Ça se passe chez Léon. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon, voilà. Mais ça, donc, avec Léon, Flipcap, c'était bien pour ça. C'était bien pour c'est ça. C'est 10h13, hein, oui. 10h30-13h, pardon, l'émission. Eh ben, écoute, ça marche, c'est noté. Alors, ben, vous l'avez découvert il y a quelques minutes. Vous les avez découverts, ils sont avec nous. C'est Patrick et Cyril du groupe Les Didis. Alors, Les Didis, je vous rappelle qu'ils vont se produire donc ce samedi soir à partir de 19h. Et ce sera où? Au Palais des Sports. Et c'est quelle adresse? 3 rue Sainte-Thérèse, à Waterloo. Il a bien appris sa leçon, je voulais le coller. Et c'est rue Sainte-Thérèse, c'est dans le quartier du Laboureur. Donc, quartier du Laboureur. À Waterloo. Donc, pour cet événement, il y aura la rue qui sera barrée. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. Donc, il y aura de la place pour se garer, il y a la place de la République, place du Laboureur. Oui. Où il y a à peu près 200 places pour se garer. Ouais, bah oui. Il y aura de quoi faire, la route sera barrée, il y aura des tables, des chaises. Il y aura à boire, des orangs, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura de la musique, il y aura tout ce qu'il faut pour faire la fête. Alors, en tout cas, moi, je peux vous dire, enfin, j'ai été l'année dernière, en fait. En y étant allé, merci, Sherlock. L'année dernière, il y avait une sacrée foutue d'ambiance, mais vraiment. Une sacrée foutue d'ambiance. D'accord. Ouais. Bah, il y avait de l'ambiance. Une putain d'ambiance, faut dire. Quoi. Non, mais ouais, je suis du Nord. Il y a une sacrée foutue d'ambiance. Mais en fait, je sais pas, j'ai des problèmes de vocalisation ce soir. Je sais pas. Non, mais fais plus ça. Tu dis, il y avait une putain d'ambiance. Ça ah ouais, c'est pas mal aussi, non plus. Ouais, hein, ouais. Il y avait une fucking d'ambiance. Mais alors, terrible. Fucking hell. Ah ouais, carrément. Non, mais il y avait une super ambiance. Et c'est à même un moment fini. Il y avait des farandoles. Ça sortait en extérieur. Il y avait de la musique. C'était presque limite un vrai bordel à la fin. Sur l'extérieur. Il y avait des gens qui dansaient dans la rue, enfin, c'était vraiment génial. Et cette année, ben, à mon avis, ça va être prometteur, puisque comme ça a super bien marché l'année dernière, ça marchera encore mieux cette année. Puissance 5. Ah ouais, ouais. Alors est-ce qu'il y a un projet, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un petit projet. Non, je dois pas le dire. Vas-y. Non, mais non. Il va y avoir un happening pendant la soirée quand vous allez jouer, vous n'allez pas proposer quelque chose. Il y a quelques petites surprises, mais on ne peut pas en parler. Voilà. On peut pas en parler. Ce sera la surprise. D'accord. Sinon, c'est une surprise. Mais on peut pas dire que Marilyn va chanter, par exemple. Non, je le taquine parce qu'en fait, on a une amie en commun qui souhaitait chanter. Et la particularité, en tout cas, la force aussi du groupe Les Didis, c'est qu'ils chantent pas, justement. C'est que c'est que musical. Et parfois vaut mieux que certaines personnes ne chantent pas. Non, je parle pas pour Patrick tu et Cyril. Tu parles pour Marilyn? Si, je parle pour Marilyn, hein, bien sûr. Si elle nous écoute, Marilyn, je vais te saluer, je te fais un gros bisou. Non, mais effectivement, votre particularité, c'est que c'est que musical. C'est que musical et très éclectique. Et donc, vous nous disiez qu'effectivement, vous passiez à la fois des années 50, 60, du français, de l'anglophone, jusqu'à presque aujourd'hui, les années 80. On passe de Edith Piaf à U2. Voilà, donc c'est très très large. Au disco. Comment vous faites aujourd'hui pour faire un choix? Parce que, effectivement, aujourd'hui, vous êtes plus de 200 titres. Vous concertez, vous dites quoi? Alors, vous dites. Comment vous faites votre choix? Au début, j'ai joué longtemps tout seul, ouais. Avec mon casque chez moi. Au dépens de Eva. Oui, madame, hein, ça c'est madame. C'est madame Patrick. Ouais. Donc je me réveillais la nuit, je jouais la nuit. C'est vrai? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est accro, carrément. Ouais. Et après, j'ai connu Cyril dans des endroits où 80% des gens se connaissent, dans un café. Au Minoy. Ouais, des endroits au Minoy. Non, c'est ça. Ouais, tu parles de 80% des gens qui se connaissent au Minoy. Cyril n'est pas encore prêt. C'est un peu trop. On a fait connaissance dans un café, on a discuté, on a partagé nos goûts musicaux, tout ça. Lui faisait de la batterie, je faisais du clavier. Puis on a dit pourquoi on n'essaierait pas. Ouais. Donc on a essayé, on a commencé à jouer à Saint-Joseph dans une salle où il n'y avait personne. Mm-hmm. Ça nous allait très bien. Parce que c'est vrai que quand tu n'es pas professionnel, tu joues pour toi. Ouais. Et après, tu regrettes, tu te dis pourquoi ne pas jouer pour les autres. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un grand défaut qu'on a eu. On s'aperçoit maintenant quand on joue pour les autres, ben, ça nous fait autant plaisir que jouer tout seul. Bien sûr. Que tout seul chez moi avec mon casque la nuit à 3h du matin. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Donc, mais je voulais poser une question. Ce fameux café où vous êtes rencontré, serait-ce l'Étac par hasard? Je ne connais pas. Non, tu connais pas l'Étac, un truc comme ça, non? Ça ne me dit rien. Sur votre lot, non? Si, ça dit quelque chose. Je n'entends pas qui fait semblant de rien, il ne connaît pas l'Étac chez Seb. Ah, si. Oui. Non, mais il connaît que le nom des patrons, en fait, mais pas le nom des Ah, oui, d'accord, oui. Non, ce n'est pas l'Étac que vous êtes rencontré ici. Non, je sais plus. Dans un café. Ouais. En tout cas, c'était sur Waterloo. Vous êtes rencontré sur Waterloo. C'est rencontré sur Waterloo. Ouais. Voilà. Et alors, donc la question, effectivement, c'est comment vous faites votre choix de pourquoi vous allez choisir tel titre plutôt qu'un autre. C'est quoi? C'est un coup de foudre? C'est un coup de cœur? Moi, au début, j'étais plus reprise de variété française, des anciennes chansons, etc. Puis j'ai connu Cyril, et c'est lui qui m'a donné goût un petit peu plus au rock. la musique qui bouge un peu plus, plus de batterie, etc. C'est lui qui m'a fait aimer un petit peu ce genre de musique. Mais alors toi, Patrick, ta formation à la base, c'est musicien ou c'est, ça t'est venu comment Non, je ne suis pas musicien, je ne sais pas lire une partition. Ouais. À mon grand regret. J'ai essayé de faire de la musique quand j'étais plus jeune. Je vais monter un petit peu loin quand même, si je veux le dire. Bon, à l'époque de De Gaulle, effectivement. Non, c'était pas ça. Ça fait penser à quelque chose, De Gaulle. Oui. On fait un coucou à Joss au passage. C'était à l'époque que j'étais. À l'époque de ma communion. Ouais. Je voulais pas d'argent. Ouais. Enfin, je voulais pas de cadeau, je voulais quelque chose pour m'acheter un clavier. Et Un bon tant pis. C'est pas un bon tant pis. Ouais. C'est quelque chose comme ça. C'était un double clavier avec des pédales. Ah ouais. J'ai gardé 3-4 ans. Après, j'ai arrêté. Même genre de merde, quoi. ça faisait pas des bruits terribles. Il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement, pas beaucoup d'instruments. Ouais, un monde. Et après, j'ai arrêté un petit bout de temps. Ouais. J'ai arrêté au moins 15-20 ans. J'ai arrêté la musique. Ah ouais. Et après, j'ai eu l'occasion, par une personne qui a eu un filon, de me revendre un clavier à Yamaha. Ah, je ne vais pas donner la marque. Si tu peux, Yamaha. Ouais, c'est une marque de moto. Ouais. Ah, c'est pas un Moog. Non, c'est pas un Moog, c'est un Yamaha. C'est pas un DX, clavier, DX7, non. Pareil, je jouais tout seul. C'était un clavier qui était un petit peu limité en instruments, accompagnement, tout ça. Après, j'ai encore arrêté une dizaine d'années. C'est pas dire que je suis vieux. J'ai dit combien d'années d'ailleurs 15 ouais, là, on est 40, une quarantaine d'années là. on n'est pas loin. Et là, depuis 3-4 ans, j'ai découvert un instrument pas loin de mon lieu de travail. Ouais. Il y avait un grand magasin qui était tout près de Villeneuve d'Ascq qui s'appelait Milonga. Ah, tout à fait. C'était un magasin où on pouvait tester les instruments, on pouvait jouer, on pouvait prendre des cours. À mon grand regret, j'ai pas pris les cours parce que ce magasin n'est pas resté longtemps ouvert. Mais je travaillais juste à côté de Lezen. J'allais le dimanche le midi pour jouer. Ouais. Et j'ai pris goût à jouer. Je me suis investi là-dedans. Et puis après, je me suis dit, il faut que je l'achète, cet instrument. Je l'ai acheté. Et maintenant, je l'ai. Ouais. Je suis très heureux de l'avoir. Un petit peu grâce aussi à Eva. Parce qu'elle supporte aussi mes moments où je passe. C'est elle qui porte le clavier, en fait. Tout à fait. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de Cyril et Patrick, mais Eva a un grand rôle aussi dans le groupe des Didis. Ah bah oui. C'est dans un premier temps, c'est que elle supporte ma passion. Elle m'accompagne dans toutes mes sorties, mes soirées, tout ça. Et encore là, elle est encore là ce soir. Eh oui, donc, oui. C'est la manager aussi, en plus, hein, si voilà. Vous voulez faire un contrat. Donc là, prochainement, on va prendre des cours de son et de sono et tout ça pour bien brancher les instruments, pour faire les réglages. D'accord, d'accord. Ça, c'est pas gagné. Alors, moi, une question aujourd'hui, parce que moi, je suis pas très... Enfin, si, je suis mélomane, mais au niveau musique technique, pas terrible. Mais quand on n'a pas de partition, comment on fait pour jouer, alors? Alors, quand on n'a pas de partition, ce qu'on fait, on a clavier devant soi. Ouais. On appuie sur une touche, on appuie sur deux touches. Ouais. Après, on écoute les musiques. Donc, c'est à l'oreille, alors? C'est beaucoup à l'oreille, oui. Moi, c'est 90% à l'oreille. D'accord. Et comment tu arrives à retenir, justement, après les morceaux et dire, voilà, je vais appuyer sur telle touche. C'est ça aussi, c'est là où Cyril intervient. C'est qu'il supporte aussi mes fausses notes. Parce que il y a des fausses notes. C'est pas du playback. C'est, de temps en temps, il y a des fausses notes. Donc, les fausses notes, une fausse note bien appuyée, c'est une fausse note bien assumée. Mm-hmm. Donc, je les assume, mes fausses notes. Bien sûr. Et après, c'est du direct. Et puis... les gens s'amusent, les gens passent au-dessus des fausses notes et les gens passent des bonnes soirées. Bien sûr. Non, mais de toute façon, même les pros, ils font parfois des fausses notes. Ce qu'on appelle un pain dans le jargon. Hein. Un pain? Ouais. Un pain. Ah bon? C'est le mec qui se plante beaucoup, surtout les guitaristes. On dit, dis donc, t'as vidé la boulangerie, quoi. Ah ouais? Je connaissais pas ce terme. Un pain, ouais. Donc, Cyril, j'ai un pote qui a joué une fois qu'il était un bien pain, fatigué. Tu connaissais? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors Cyril, lui, a une autre formation, un peu plus poussée quand même, puisque effectivement, tu as fait partie de l'union musicale de Waterloo déjà. Tout à fait, ouais. J'ai pris tes cours. Ouais. Ouais. Ah ouais, donc toi, tu connais les partitions? Oui, mais. Mais tu t'en sers pas. Non, il s'en sert pas, lui. Ah oui, parce qu'il faut le voir jouer, en l'ayant vu plusieurs fois jouer en répète et même en concert. Toi aussi, c'est pareil. Alors là, c'est carrément de l'impro. C'est tout à l'oreille, ouais. Ouais, mais parfois, c'est même de l'impro. C'est-à-dire que Patrick lance la musique et c'est toi qui dis, allez, là, c'est ça, hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors, tu joues de la batterie, tu joues aussi du caron ou pas, où j'ai rêvé? Du quoi? Du caron. Du caron, c'est la petite caisse, la tient en bois. Du cajon, toutes les percus. Ouais. Ah, toutes les percus. Mais même pendant les concerts ou pas? Ou c'est que de la batterie? Non, c'est plus la batterie. D'accord. Alors, un petit truc que je voulais demander, moi, justement, par rapport à l'histoire de lire des partitions. Est-ce que, je sais pas, parce que moi, c'est plus la contrebasse. Pareil, le solfège, je suis plutôt une quiche. J'ai passé de spontanéité entre le moment où je lis la note et la transposer. Il y a donc ce qu'on appelle un système de tablature. avec pour la comme la basse, hein, 4 lignes et des numéros qui donnent la position par rapport aux manches. Est-ce que je sais pas si est-ce qu'il existe un système similaire en... Alors le clavier c'est autre chose. Il y a aussi des tablatures pour clavier. Ah ouais. Et okay. Bon après il y a des accords où on connaît les accords. Il y a les A, les B, les C, les G et ouais. Tout ça. Et c'est ça qui les... après il y a quelques accords à connaître par cœur quoi. Ouais. Il y a tellement d'accords aussi, on ne peut pas tous les connaître. Et après, il y a certains accords qui rattrapent des accords compliqués, que les gens, en général, qui ne sont pas très musiciens, ne voient pas trop la différence. Tout à fait, ouais. Mais il y a énormément d'accords aussi au niveau clavier. D'accord. Mais il existe bien un système... Il y a un système aussi d'accords au niveau clavier. Pour pouvoir décrypter un peu plus rapidement une partition, quoi. D'accord. Bien. Et ben moi, attends, j'avais encore. Vas-y, vas-y. Il se lâche. En fait, j'allais dire. C'est bien. J'avais une question, mais en fait, j'en ai deux. La première, c'était d'où vient le. Qu'est-ce que ça signifie quoi, Didiz. Les deux D. Il écoute pas lui. Il écoute pas lui. Il a un train de retard. Ah ouais, t'as un train de retard. Oui, Dupont et Durand. D'accord, voilà. Bah oui. Enfin, il l'a expliqué tout à l'heure. C'est la première lettre de leur nom de famille. Bon, et Flip 4, fais-moi plaisir. Branche ton sonotone. On te l'a déjà dit. Branche-le. Oui. Et donc, la deuxième question, à moins que ça découle de la première question. Mais non, mais en fait, c'était ça, voilà. Bon, on y avait répondu tout à l'heure. Non, je crois qu'il y avait une deuxième question à fouler, mais je crois que... C'est les initiales, en après, fait, de c'est leur vrai nom. Que le nom d'Edidi, ça s'est fait à l'arrache aussi. Hein. On ne savait pas quoi faire, et puis on s'est dit, on va essayer de mettre un nom quand même. Mais entre nous, heureusement, sincèrement, que c'est D et D, quoi. Parce que si ça avait été P et D, ça aurait été un peu gênant, quoi. Eh bien, on l'aurait fait quand même. Les PDs. Ou les DPs. Il y a bien eu les PDs. Les DPs, ouais. Ou les DPs. Bon, ouais. Vous l'auriez fait dans ce sens-là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. Et ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est qu'on fait un petit titre des années 80. Et puis juste derrière, on met un titre justement des DDs. Ah, pourquoi pas. Tiens, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait passer comme titre? Bon, on va se faire trois titres. Je vais mettre deux titres années 80. Ouais. Parce que j'avais préparé un truc et je voudrais rester un peu dessus. Et je vais mettre après un titre. Alors, qu'est-ce que je pourrais. Ah, vas-y, dis. Ah, bah oui. L'envie. Non. Non, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? Europe. The Final Countdown. Bah oui. Alors. Oui, bah oui, c'est le vôtre. Bah oui, le vôtre. Ouais. On va mettre le vôtre. Ah, j'ai dû faire deux fausses notes. Eh ben, on va écouter ça. Eh ben, on va écouter ça. On va dire à quel moment tu les as fait. Et c'était dans la rue en live, hein. Ah, bah oui. En plus. Ah bah donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter Prince avec Kiss. C'est pas nous, c'est pas nous. Non, ça, c'est pas vous. ensuite, on va s'écouter. Alors, celui qui se faisait appeler le neveu de Prince à l'époque, c'était Terence Trent D'Arby. Ah, bon, oui. Avec Wishing Well. Ouais. Non, pas Wishing Well, Sign Your Name, pardon. Ouais. Sign Your Name. Et ensuite, on va écouter donc Europe, The Final Countdown par les Diddy's. Eh bah, ça marche, allons-y. Allez, c'est parti. Yeah. Et oui, donc c'était Patrick et Cyril, le groupe Diddy's. Ouais, ça, c'était Final Countdown. Yes, the Final Europe. Countdown, c'est vrai. Alors c'est complètement années 80 pour le coup. Oui, ah oui. Donc, on est dans le ton là. Là c'est ouais. Bien. On est dans le ton et ça va être un des titres, j'imagine, qu'on va retrouver samedi soir. On va pas dévoiler toutes les surprises. Ah bah si, j'imagine quand même qu'on. Mais non, mais pour l'instant vous n'en avez dévoilé aucune, donc ce serait bien d'en dévoiler quand même. Tout à fait. Peut-être bah, une des surprises. Voilà. Ouais, okay. Il y aura quand même Europe, j'imagine, samedi soir. Donc on rappelle que donc c'est samedi soir, donc ce samedi 29 à partir de 19h, hein, c'est ça. De 19h à 24. À minuit. À minuit, ouais, pas minuit, plus. On va faire un petit extra. Ouais, peut-être, ouais. On a l'arrêté de la mairie, donc tout va bien se passer. Voilà, donc c'est à partir de 19h. Donc c'est au Palais des Sports, donc c'est rue Sainte-Thérèse, hein, c'est du côté du Laboureur, donc à Waterloo, donc chez Séninet et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, au Palais des Sports. D'ailleurs, je voudrais les remercier de nous accueillir déjà depuis 3 ans, en espérant que ça continue encore pendant quelques années. Ah, c'est la 3e édition, là, déjà. C'est la 3e édition. La première édition, j'ai fait tout seul. Ah oui, c'est vrai. Les 2 suivants, je les ai fait avec Cyril, et ça se passe très très bien, et on espère continuer comme ça encore longtemps. D'accord. Alors, rappelons que c'est gratuit, parce que c'est vrai que, voilà, c'est... Tout à fait, c'est gratuit, c'est un bar, on peut boire un verre, il y a des terrasses, on peut s'installer, danser, chanter... Et en espérant qu'il fera beau, je crois. En espérant qu'il fasse beau. Je pense que ce week-end, il est prévu qu'il fasse un bon petit temps. Bon. On reviendra vers vous, évidemment, puisque vous êtes avec nous pendant toute l'émission, je l'espère. Hein. Tout à fait. Bon, Sherlock, oui. Tu nous as préparé donc une petite chronique estivale. Oui, c'est ça. Bah, comme d'habitude. De derrière les fagots. C'est ça, oui. Pas piquer des hannetons. Oui. Donc, oui, bah, effectivement, comme c'est les vacances, je faisais le ciné rétro 80 d'habitude. Oui. Là, je me suis dit, c'est les vacances, c'est plus cool, on va faire autre chose. Et là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de leur faire deviner des chansons juste par rapport à quelques paroles. Ouais. Mais je ne vais pas leur chanter, je vais leur parler. Ouais. On va voir s'ils écoutent vraiment les chansons. Parce que c'est des paroles quand même qui sont très belles. Mm-hmm. Nonobstant le fait... T'as vu ça ? Oh là là, nonobstant. Oh là. Il a quand même l'outrecuidance d'utiliser le terme nonobstant. Je me gousse. Donc, non, voilà. Donc, hormis le fait que... Soit des chansons qui sont connues, on connaît souvent par la mélodie, oui. Mais on écoute des fois moins les paroles. C'est vrai, c'est vrai. Et bien là, je vais vous donner quelques paroles, et vous allez essayer de me retrouver la chanson. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 équipes. On va faire l'équipe de Floodcat, d'accord. Qui sera tout seul. Qui sera tout seul. Oui, ok. Je ferai mon équipe, je serai tout seul, et il y aura l'équipe des Diddy's. Donc vous pouvez vous participer, bien évidemment. Ouais. Donc le premier qui trouve la chanson, donc on doit donner le titre ou l'interprète. Peu importe. Titre ou l'interprète. Bon, d'accord. Ce serait bien les deux, à la rigueur, mais voilà, titre ou l'interprète. Ça marche. Donc allez, on va peut-être mettre le petit jingle des vacances. Élégance. Ouais. Vacances, j'oublie. Bien, Flipcat. Il nous fera une chronique sur élégance. Mais oui, un jour peut-être. Ça va durer 30 secondes. Il nous a fait les formants, moi j'attends les vagabonds. Ah oui, c'est vrai. Les vagabonds, Jesse Garonne. Jesse Maron. Richie, je pense. Ah oui, bah oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais l'ajouter à la liste. Bon, alors. 14, si tu veux. Ah ouais. Et bah oui, ben voilà. Par exemple, pas. En plus, c'est pile année 80, donc tu peux y aller. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais vous donner donc les premières paroles de la chanson. Attention, hein. Qui sont ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. Ah bah oui. Et l'on raconte leur bataille dans le salon après le thé. Bien. Louise. Très. Très très bien. Ah bah écoutez, oui. C'était ça. Magnifique. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. J'adore cette chanson. Ils ont raconté leur bataille dans le salon après. Enfin, elle est magnifique cette chanson. Les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui sépare Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Alors, donc un point pour Harry. Mais en plus, celui-là, je suis fan évidemment. Oui, mais j'ai toujours été fan de Gérard Berliner. Donc, mais je me suis dit, je pensais que Cannon aurait été là aujourd'hui aussi. Donc je me suis dit, entre Cannon et Harry, il va y avoir de la baston. Ouais. Alors, on n'entend pas Patrick et Cyril pour l'instant, je sais pas pourquoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. On découvre. Voilà. Alors, plutôt que de dire tout de suite le titre, mais faut dire votre prénom. avant, ce serait bien quand même que je puisse essayer de voir qui répond le premier. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que là, t'as même pas donné le temps du tout. C'est ça. Ah ouais, mais bon, c'est le but du jeu. Je sais, mais... Stéphanie de Monaco. Mais tu... Ah, il y aura peut-être du Stéphanie de Monaco. Si tu trouves, tu dis Harry. Okay. Voilà, comme ça, je sais... Ça marche. Allez, donc deuxième, bon, c'est facile, hein. Eux qui croyaient vieillir, en regardant grandir Gold. Leurs enfants... Gold. Alors, qui s'appelle Gold ici? Et en plus, je crois qu'il a raison, en plus. Un peu plus près des étoiles. C'est ça, effectivement. Ah, c'est un point pour les étoiles. Ouais. Écoutez, c'était ça. Ouais, donc je disais qu'il cache bien son jeu, Cyril, quand même, parce que on l'entend pas, mais quand il intervient, ça y est, paf. Ouais, c'est vrai. Mais alors n'oublie pas, il faut dire ton prénom avant, oui, hein. Ouais, ouais. Parce que Gold, je connaissais pas le prénom. Hein. Bon, alors on continue. Alors attention, troisième titre. Ouais. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi Jean-Luc Lahaye. On ne plus comme ça? Non. Non. Une petite emportée. Alors n'oublie pas de dire ton prénom. Hein, c'est une connerie, là. On ne sait jamais, ça aurait peut-être pu être... Ça aurait peut-être pu, ouais. Donc, pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? T'as une idée, Flipkat? Non, mais elle vient de m'être soufflée, donc... Ah bah, vas-y, il peut faire partie de l'équipe. Hein, vas-y, vas-y. L'équipe des bananes, on va voilà, les appeler. Voilà, les bananes. L'équipe des bananiers. Bah, c'est Indochine. Oui, bravo. Oh. Avec le titre Troisième sexe. Canary Bay. Non. Un troisième sexe, effectivement. Troisième sexe, ouais. Autant pour moi. Et bah voilà. Troisième sexe. Et bah, ça fait un point pour chacun. L'équipe Clip 4, l'équipe des Didis et moi-même. Voilà, exact. Alors, on s'écoute, troisième sexe, ça donnait ça. Ah, donc Indochine d'ailleurs qui sera en tournée là prochainement, hein, et qu'on pourra retrouver au stade Pierre-Mauroy, je pense, bientôt. Non, au Zénith de Lille peut-être. Ah, enfin, en tout cas sur Lille. Ça doit être au Zénith, je pense. J'ai entendu, oui, effectivement. Ouais, je crois qu'il revient. Ouais, ça doit être au Zénith. Malheureusement, ouais. Ah, là, ça va être un peu plus compliqué. Là, c'est pour les puristes. Peut-être que Harry va le trouver. Parce que franchement, là, moi, je me suis étonné. Même toi, tu l'as pas trouvé. Mais c'est ça. Ok, vas-y. Alors moi, ce qui me plaît, c'est le tempo d'abord, quand la batterie bat très fort. Non, quand la batterie fait très fort, pardon. Excuse-moi. Mmh. Alors, ce qui me plaît, c'est quand il y a la rythmique qui cogne encore. C'est français. C'est français. Mais toutes les chansons sont françaises. Forcément, les paroles sont françaises. Effectivement, oui. Écoute, ça me parle, mais je sais pas, Flipkat. Du tout. Kick Mythique, là. Reviens avec nous. Tout à fait. Je réponds à Madeleine. Non. Alors, rappelle les paroles. Alors, donc, moi, ce qui me plaît, c'est le tempo d'abord, quand la batterie fait très fort. Ce qui me plaît, c'est quand il y a la rythmique qui cogne encore. C'est encore. Une nana, c'est une chanteuse. Oui. Oui, c'est une chanteuse, c'est clair. C'est une chanteuse. Ah, ouais. Alors, un petit indice, ouais. Elle avait pour habitude de se rouler nue dans la rosée du matin. Mylène Farmer? Pas du tout. L'amour. Love Amour. Bonne réponse des bananeux. Ah ouais, Love Amour avec et je danse. Et je danse. Et je danse. Ah ouais. Ouais. Et ça donnait ça. Ce qui me plaît, c'est le tempo d'abord quand la batterie fait très fort. Moi, ce qui me plaît, c'est quand il y a la rythmique qui gagne encore. Et je danse. Alors, pour la petite info, c'est François Valéry qui a écrit les paroles. Oui. Oui. Bon, après, t'étais pas obligé de le dire pour lui. Pourquoi? Bah, ça a marché à l'époque. Hein. Ça, ouais, ça a eu son petit succès. Mais bon, ouais. Après, voilà. Bah, quoi. En même temps, je pense que c'était. Allez, si on était un peu dans le même style que Sabrina à l'époque. Ouais, ils ont peut-être voulu faire une Sabrina à la française. Elle avait beaucoup d'arguments, cette demoiselle. Hein. Elle soutenait bien ce qu'elle avançait. C'est ça, absolument. Elle avait beaucoup de conversations. Beaucoup de conversations, ouais. On avait du mal à se concentrer, d'ailleurs. C'est vrai. Elle avait quelque chose dans le regard aussi. C'est ça, ouais. Bien joué, d'ailleurs. Alors. Donc, prochaine chanson, les paroles sont celles-ci. Et sur tous ces visages de stars un peu bizarres, je me suis même amusé à les rebaptiser. Sur étiquette brillante, je leur ai inventé une autre identité, histoire de démystifier. Oh, mon Dieu. Là, ce que tu viens de dire, la dernière phrase, ça me parle, mais... Le histoire de démystifier ? Non. Et avec la mélodie, même c'est un petit peu avant. Ouais. Ah, voilà. Ah ouais, c'est toujours plus simple. Alors, avec attends, la mélodie. Bah oui, forcément. Mais c'est pour ça, c'est pour voir si c'est il ou c'est elle. Ah, c'est pas elle. Dyslexique. Bien. Ouais. Ah, bravo. Busy. Bien. Oh là. Oh alors là, franchement. Ah, je t'épate, hein. Alors, ah oui. Voilà. Ah là, tu mets patate. Ah mais il est sur Google. Non, même pas. Non. Alors, bah, il même pas. De toute façon, c'est pas possible. Eh ben, Busy, ça donnait ça. Ah oui. Et surtout, c'est bizarre. C'est magnifique, j'adore. T'adores ? Là, je ne sais pas si c'est juste. Tu peux quitter mes musiques, là, s'il te plaît ? Non, on vient de recevoir un message de Cindy qui nous écoute et qui fait un gros coucou à tout le monde. Donc voilà. Eh ben, coucou Cindy. Coucou Cindy. Voilà, eh ben, donc... Cindy, peut-être qu'elle arrivera à découvrir le titre suivant. Alors, je rappelle des scores quand même. Donc, ouais. Ne serait-ce que pour les bananeux, donc l'équipe Flip Cat, 3 points. Pour les Didi's, 1 point. C'est moyen quand même. Hein. Et moi-même aussi, 1 point. Mais ils vont se refaire. Alors, Frank Crash, Dry Pons. Je pense que là, Harry peut marquer son deuxième point. Attention. Vas-y, on y va. Si tu es plus rapide que les bananeux, parce qu'ils sont très forts quand même. Ah, non, ça me dit rien du tout, ces paroles. Alors, écoute bien. Quand elle est pas. Enfin, écoutez bien. Donc, en regardant les résultats de son check-up, un bon. Requin qui fumait plus a rallumé son clope. Les bananeux. Alors, à la Bachung. Oui, bravo avec. C'est pas Gabi. Si, bravo, voilà. Gabi. Non, Gabi là, tu triches. Gabi ou Gabi. Ah non. Donc je vais finir donc les paroles. Donc ça fait frémir, faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qu'abandonne son clep au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Eh ben ça donnait ça. Regardons les résultats de son check-up. Un requin qui fumait plus à rallumer son clope, ça fait frémir. Savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kid. Oh. Ouais, d'accord, là c'est facile. Hein. Et n'empêche que c'est vrai que si tu avais mis les paroles, c'est pas parce que t'as pas les boules que t'as les cochonnets, ou c'est pas parce que t'as pas les frites que tu manges des boules, ou je sais plus quoi. J'aurais trouvé tout de suite, quoi. C'est vrai. Alors, ça si tu la trouves pas, franchement, honte sur toi. Ok, on y va, vas-y. Alors, Pierre Perret. Pas du tout. D'accord. Alors, retenir nos élans pour que la nuit n'en finisse pas. Bon. Tout oublié, sous mes doigts impatients, trouver ta voix sacrée. Ah oui, Herbert Léonard. Ouais. Bravo. Herbert Léonard. Bravo. Bah oui, évidemment. Avec Herbert Léonard. Ah ouais, non, avec, avec, pour ça qu'on a pas avec le titre. Ouais. Ah, alors, le titre. Non, c'est pas pour le plaisir. Non. Aimons-nous. Attends. Alors, aimons-nous vivants, c'est François Valéry. Laissez-nous rêver. Non. Attends. Il va nous faire tomber. Mais des autres groupes. Ah, attends, mais si, évidemment. Quand tu m'aimes. Voilà, bien, voilà, quand tu m'aimes, et ça donnait ça. Retenir nos élans pour que la nuit n'en finisse pas. je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, lorsque tu dénoues tes jupons soyeux, moi je m'engloutis au fond de tes yeux. Ta gorge étincelante, tes buissons secrets. Eh oui, Herbert Léonard. Et d'ailleurs, Patrick a une bonne nouvelle. Un bon rétablissement pour Herbert Léonard qui est sorti du coma. Oui. Et on lui souhaite une bonne santé. Ouais, absolument, puisqu'il était dans le coma depuis quelques semaines. Hein, oui, oui, oui, tout à fait, on en avait parlé encore mardi dernier. À l'âge de 72 ans, 72 ans. On a perdu espoir, quoi. Oui, oui. Et donc, il est sorti du coma, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je salue Johnny Hallyday au passage. Hein. Oui, on lui fait un petit coucou. Hein. Il y en a d'autres qui sont hospitalisés ou pas? Je sais pas. Mais... Donc oui, ah ouais, Herbert Léonard, j'espère qu'il va revenir sur scène quand même, ce serait sympa. Mais, ah oui, ce serait bien. Ouais. Voilà, voilà, voilà. On a aussi également un message de Sophie qui nous écoute. Donc on lui fait aussi un gros poutou. Et puis, n'hésitez pas. Sophie. Bisous à Sophie. Bisous à Sophie. Ouais. N'hésitez pas. Cyril. Cyril, bisous à Sophie. Ouais, quand bisous même. À Sophie, bien, hein. Bien sûr. Voilà. et puis, n'hésitez pas évidemment sur notre page de l'émission, donc 80 à l'heure, donc sur RQC 95 FM, de nous laisser un petit message et on n'hésitera pas. Et on le validera demain. Ah là, il y a l'informatique qui essaye de jouer en même temps que nous. Donc, d'accord, et trouve au moins les réponses. Voilà, il avait trouvé quand tu m'aimes. Hein? Alors, je sais pas s'il avait trouvé quand tu m'aimes une fois que tu avais dit Herbert Léonard ou s'il l'a trouvé avant. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder. Je t'avouerai, Alain, que je fais un peu tout ici. Donc, après, je dois encore passer le balai. Et l'autre Il fait tout ici. Donc. Donc, je rappelle les scores. Donc, pour les bananeux, donc l'équipe de Flipkat, c'est 4 points. Ouais. Pour les Didiz, 1 point. Attention, là, on a la traîne. Et puis, bah, pour moi-même, 2 points. Ok. Eh bien, je pense que les bananeux vont reprendre un point si personne ne les coiffe au poteau. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, t'as vu ça? Ah ouais, c'est bien. Et c'est total impro, hein. T'as vu ça? Respect. Alors, j'ai tellement espéré qu'un jour tu reviendrais. Je le savais tout au fond de moi. Et je voudrais dire que je t'aime. Mon ciel bleu, mon étoile, c'est toi. Bon, c'est un mec déjà. Oui. Ouais, forcément. Patrick, Cyril? Aucune idée. Récapépète un peu. Alors donc. J'ai tellement espéré qu'un jour tu reviendrais. Je le savais tout au fond de moi. Et je voudrais dire que je t'aime. Mon ciel bleu, mon étoile, c'est toi. Un petit indice. Je connais, ça me parle. Un petit indice. Mon ciel bleu, c'est toi. Mais il avait une banane également. C'est pas que coucou, justement. Non, c'est pas Johnny. Oh, c'est pas Jessie Garonne. Eh oui, c'est Jessie Garonne avec... C'est lundi. C'est une bonne question. Non. Nous deux. Bien. Oh, ah ouais, évidemment. Deux. Bah ouais. Eh oui, nous deux. Eh oui. C'est joli. C'est beau. Mais tu l'avais passé d'ailleurs il y a 2 semaines, je pense. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais donc, tu n'avais pas écouté les paroles. Ah bah, si, ça me parlait, je te promets, parce que moi, j'ai eu ce 45 tours, c'était un de mes premiers 45 tours, et j'écoutais plus volontiers nous deux. Puisque c'était la phase B d'ailleurs de C'est lundi. Ouais, c'est lundi, ouais. Et j'écoutais plus volontiers c'est nous deux lundi. Que C'est lundi. Donc, mais ça me parlait quoi. D'accord. Et ben, nous deux, ça faisait ça. J'ai tellement espéré qu'un jour tu reviendrais. Je le savais tout au fond de moi. Mon ciel bleu, mon étoile, c'est toi. Nous deux, un seul cœur, un seul rêve, un seul vœu. Limite, on peut être fair play, on peut te le... Ah non, pas du tout, non. Donc ça fait 5 points pour les bananeux. Ouais, voilà, un point de plus pour les bananeux. Monsieur voilà. Est trop bon, monsieur est trop bon. Oui, monsieur, monsieur, bien sûr. Merci. Au passage, on a un petit coucou aussi de Lorraine, du groupe Rétro Fanfare, qui se produit aussi dans la région. Donc vous connaissez, qu'on a reçu aussi dans les studios. Et qui s'était produit aussi avec vous. Après vous, d'ailleurs, à la brocante. Entre deux, oui, tout à fait. Un petit coucou à Lorraine et son équipe. Voilà, ouais. Donc elle nous écoute, elle nous fait un dielou, la coucou, copain. Lorraine. Coucou Lorraine. Voilà, un gros bisou à Lorraine. Alors, on continue? Ouais. Donc il reste 3 titres, je vous le dis. Il y a celui-ci, donc ça commence par si vous savez être tendre, elle se rapproche de vous. Sans que vos yeux demandent, les siens se font plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. Ah. L'amour, on l'appelle Soléna, mais l'amour l'a oublié là. Didiz. Ah, vas-y, Cyril. Ah. Alors. Non. Je vous dirai les mots bleus. Pas du tout. Non. Ah, c'est les mots bleus là, tu voulais dire. Tu l'as. Ouais, je l'ai. Alors, c'est il ou c'est elle? C'est lui. C'est il. Il. Répète. Alors donc, si vous savez être tendre, elle se rapproche de vous. Chante la mélodie. Sans que vos yeux demandent, les siens se font plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. L'amour, Berger. Elle l'appelle Soléna, mais l'amour l'a oublié là. Mademoiselle Cheng. Bravo. Joli. Bravo. Alors là franchement, joli. Bravo. Un point pour les Didis. Un point pour les Didis. Et ça donnait ça, Mademoiselle Cheng. Alors c'est toujours les bananeux évidemment qui sont en tête avec 5 points et égalité oui. Entre les Didis et moi-même donc 2 points. On est attaqué. Alors il reste combien de titres? 2 titres. Ah, donc forcément les bananeux vont gagner. Ah, voilà. Et on rappelle le principe du jeu, c'est que les gagnants payent une tournée. C'est évidemment. Ça. Non, attends, je suis désolé parce que les conditions auraient dû être posées avant. Ah bah si, c'est écrit en tout petit. La fois dernière. Non mais attends. Écrit en tout petit. Ça a été déposé chez notre huissier de justice, maître Enfoiros. Et je rappelle qu'il nous donne tournée parce qu'il nous l'a fait à l'envers la fois dernière. Donc ça marche pas. C'est pas faux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est contraire à mes principes. Je ne paye pas de boisson comme ça. Alors, donc avant dernière chanson. L'imperméable collé à la peau. La barbe enfoncée à coups de marteau, il revoit le film de la journée, même pas un mec à qui parler. Il a fermé le cinéma? Ah bah si, c'est ma copine. Alors, attends, il a fermé le cinéma. Il n'y a pas une question de cinéma? Non. Pas du tout. Harry? Oui. Patty? Bravo. Oh ouais, tu dis ça. Avec moi, le titre. Liverpool. Mais oui. Mais évidemment. Mais et c'était ça, Liverpool. Mais oui. J'adore Patty. Ouais, alors j'ai eu des nouvelles de Patty justement. Oui. Voilà, qui viendra certainement dans nos studios donc à la rentrée. Elle est en train de préparer justement un single avec y a Sabine Paturel qui est dans le single. Il y a également Jean-Pierre Mergan. Ouais. Morgan. Jean-Pierre Morgan, donc du groupe des Avions. Donc ils sont en train de préparer un single. La rencontrer sur l'île un certain soir, on a un peu décalé le rendez-vous, mais en tout cas on va se revoir et puis je la ferai revenir dans les studios, j'espère très rapidement. Avec plaisir. Elle nous présente justement cette nouvelle production, donc Patty. Ok, ça marche. Bon, allez, et on arrête cette chronique avec ce dernier titre. Ouais. C'est « Moi je veux toujours que tu sois là, du café au déca, même un tout petit bout de toi ». Les autres, ils ont pas de droit. Et d'abord, Harry, c'est comme ça. Sabine Paturel. Oui. Petit bouchon. C'est ça. Allez. Ça, c'était le petit bonus pour toi. Oui, mais là, allez, oui. C'était ça. Moi, je veux toujours que tu sois là. Du café au déca. Même un tout petit bout de toi. Les autres, ils ont pas de droit. Et d'abord, c'est comme ça. Tant pis, moi je... c'est mort. Je veux tout toi, tout pour moi. Ah, Sabine Paturel. Mais oui, mais évidemment, les paroles, moi, je les connais presque par cœur, puisqu'en plus, on a eu une interview sympa oui. avec elle il y a quelques temps, il y a quelques mois, et puis c'est un des titres que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas très évolué. Bon, c'est des paroles un peu. Ouais, c'est des paroles assez légères, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, vous connaissiez. Tout à fait, le nom. Voilà. Voilà. Donc, récapitulons un peu les scores. Bah, je pense que nos bananeux ont gagné. Donc, l'équipe de Flipkat avec 5 points, quand même. Ouais. Hein. Ça, étonnamment. Hein. Ah, ouais, c'est étonnamment. Ah, bah, oui. Bah, oui, parce que c'est les chansons françaises. Voilà. Et on sait que Flipkat n'est pas très chanson française. Non, ça ne s'est pas passé. Je vous talonne de 4 points. Voilà, je suis à 4 points. Et ensuite, juste derrière, les Didis avec 2 points. Voilà. Les Didis, c'est Patrick et Cyril, évidemment. Je vous rappelle que vous les retrouverez donc ce samedi soir à partir de 19h au Palais des Sports. Donc, c'est dans le quartier du Laboureur, donc à Waterloo. Donc le Palais des Sports, un petit café vachement sympa où vous allez être reçu par Céline et Jean-Pierre. Et d'ailleurs, il y aura deux Céline et Jean-Pierre pour votre plus grand bonheur. Et puis musicalement, il y aura les Didis qui vont se produire. Et d'ailleurs, comme on apprend à vous découvrir, tout à l'heure on entendait justement The Final Countdown de Europe, qui a été pris en live, hein, c'est une captation en live, faut le dire, parce que c'est vrai que le son est peut-être pas forcément très très bon, parce que effectivement c'est du live. C'était en extérieur. C'était en extérieur. Là on va en écouter un autre, qu'est-ce qu'on pourrait passer après Sherlock ? Alors, attends, parce que de suite là j'étais plus sur le bon dossier, les Didis... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait passer ? J'ai du Félix Gray, j'ai du Johnny Hallyday, j'ai du France Gall, du Eros Ramazzotti ou du U2. Ah, bah, les Didis, qu'est-ce que vous en pensez ? Cyril ? J'ai pas écouté, donc... voilà. Même quand ça parle de lui, attends, j'ai écouté son mythique. Ah, bravo. Alors, donc, je répète, il y a du Félix Gray, du Johnny Hallyday, du France Gall, du Ramazzotti ou du U2. Ah bah, Félix ? Allez, Félix Gray. Félix. Ah, la gitane. La gitane. Ah, sympa. Et puis, juste il parle de tabac quand même. Je suis pas sûr. Si ? Bah non. Bah. Il demande encore. C'est ça. et juste après, évidemment, avec. Bah, je ne sais pas. Bah, tiens, je vais te faire un roulé de song. Ok, stop. J'ai même pas le temps. Bah, Michael Field avec Moonlight Shadow. Ah, je peux pas choisir autre chose ? Nous, c'est ça. Bon, non, si tu veux, c'est bien, non, c'est très si bien. Si tu veux, c'est je m'en fous. Après, ça marche. C'est les oreilles des auditeurs qui vont saigner, hein, c'est pas les miennes. Ouais, voilà. Moi, vas-y, vas-y. Mon casque. Vas-y. Allez, c'est parti. We'll be right back. Salut, c'est Thierry Pastor. Retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. Eh oui, Thierry Pastor avec Sur des musiques noires et un titre, un de ses succès évidemment avec Coup de folie. Thierry Pastor qu'on a eu l'occasion d'ailleurs d'interviewer ce 14 juillet. Pour la petite anecdote justement par rapport au titre de la chanson Sur des musiques noires, oui. Sherlock avait posé cette petite question assez sympa d'ailleurs. Bah oui, bah, il chante sur des musiques noires et il nous parle de Mick Jagger, ouais, de Joe Cocker, ouais, ouais, qui sont pas noirs du tout. Ouais, bah oui. Donc je lui avais demandé c'est pourquoi. Pertinent, ça, comme remarque. Ah oui. Ah ouais, non mais quand même. Mais il parle aussi de Janis Joplin, tu vois, qui n'est pas noir non plus. Tout tu à vois. Fait. Voilà. Et donc, il disait que c'était surtout pour la rime. Et on lui avait... moi je lui ai proposé, je dis pourquoi vous avez pas fait Yvette Horner, ça rimait aussi, mais bon non, voilà. Mais on a en tout cas passé un très très bon moment avec lui, tout comme le moment qu'on est en train de passer avec les Didi's qui sont avec nous, Patrick, merci toujours beaucoup. Avec nous, merci. Avec Cyril, merci. Qui se détend au fur et à mesure, je sais pas si vous avez remarqué. Tout à l'heure il était un peu stressé, mais maintenant ça y est, tout est bien, il est chez lui. Il c'est ça, bien. Dans deux minutes il pète. Hein. Ouais, j'allais dire. Détendu du string, détendu du cluster. Absolument. Alors, les Didi's, je rappelle que vous allez les retrouver donc ce samedi soir à partir de 19h, donc au Palais des Sports, donc chez Céline et Jean-Pierre, donc c'est à Waterloo, rue Sainte-Thérèse. D'ailleurs, l'événement, il existe, il est sur Facebook. Tout à fait. On peut vous retrouver aussi également sur Facebook. Tout à fait, il y a un site sur Facebook qui s'appelle Didi's, D-E-E-D-E-E, apostrophe S, ouais. Patrick et Cyril. Voilà, mais de toute façon, nous on mettra un lien évidemment sur notre page 80 à l'heure. Vous avez déjà l'événement, hein, vous le voyez. Et puis si vous retapez, vous allez rechercher dans la barre de recherche de Facebook, vous allez retrouver Didi's. Vous tapez D-E-E, D-E-E, et puis vous allez retrouver avec Cyril et Patrick. Et vous verrez toute leur actualité. Vous allez vous produire au Palais des Sports. Est-ce qu'il y a aussi d'autres dates de prévues Prochainement, théoriquement, il y a dans un restaurant sur Waterloo une petite animation et prochainement aussi un prochain mariage. Ah, ça y est, Patrick se marie. Non. Oui, avec Cyril. Pas encore. Non. Ah, c'est ça. Donc tu te produis aussi pour les privés alors. Pour les privés. Ah, c'est sympa. Que ça. Pour les privés. Non, je veux dire, tu te produis en public et aussi pour les privés parce que les mariages c'est pas public quoi, les gens vont pas tous au mariage. C'est privé. C'est privé. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Le dialogue de sourds. Ouais. Hein eh, fait, ça n'a rien à voir, mais je suis tombé sur une info aujourd'hui, une info insolite. Je passe du coq à l'âne, mais je l'ai trouvée assez marrante. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, Sherlock, mais vous avez vu qu'il y a un Polonais quand même qui s'est fait choper en état d'ébriété. Bah oui. Ouais, largement. Polonais, c'est ça. Polonais. Alors, un Polonais, alors vous savez combien il avait de grammes d'alcool par litre de sang? Ah, allez, je vous donne en mille. Combien? Le record du monde. Hein. Ah ouais, je pense que. Il a passé que les 3 grammes. Hein? Ah ouais, largement, ah oui. Ouais. Largement, ouais. Vous en avez pas entendu parler, là? Alors, pour la petite info, ils expliquaient que tu prenais un verre de son sang, c'était l'équivalent d'un verre de vin. 13 grammes. Ouf! Non! J'ai par litre de sang. J'allais dire 8, mais. Alors, le mec était rétamé, hein, c'est clair, il est parti aux urgences, opération, enfin, il est à l'hôpital dans un état, à mon avis, assez pitoyable, mais 13 grammes. Par litre de sang, vous imaginez un peu? Toi, t'es jamais arrivé ça, Patrick? J'espère pas. T'es pas d'origine polonaise? Non. Bon, ça va. Voilà, réunionnaise. Hein? Réunionnaise. Quoi? D'origine. Réunionnaise? Tout à fait. Non. Si? Sérieux? Côté de ma mère. Allez. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, pour toi, t'es pas typé, enfin. Tu veux voir? Non. Non, je veux pas voir. Et Cyril, t'es quelle origine toi? Français. Français. D'accord. Okay. Ah donc là tu viens chez les oreilles alors, Patrick? Tout à fait. Chez quoi? Chez les oreilles. Les oreilles. C'est quoi les oreilles? Les oreilles, c'est les blancs, les ouais. Ceux de la métropole. Ah d'accord. Ok. Les réunionnais les appellent les oreilles. Ah ok, je sais pas pourquoi. Je vois. Alors là, je sais pas non plus. Hein. Bon, eh ben écoute, on ira à l'info. On peut-être de voir, parce hein. Que quand on arrive là-bas, on attrape des coups de soleil sur les oreilles, je sais pas. Peut-être. Bah, tiens, dis donc, en parlant d'oreilles. Oui. Il est passé 21h30. Eh ben oui. It's now or never. It's now or never. Mon ami Flip 4. Mais c'est surtout. C'est à toi de jouer. Allez. Ah oui. D'accord. Rumors spreading round. Your life takes its time. About to check outside the game. Ouais. You know what I'm talking about. ZZ Top. Just let me know. Très bon souvenir, en tout cas. Vous savez qui? Rappelle-nous un peu. C'est ZZ Top, La Grange, 74. Oh, putain. D'accord. Je peux dire qu'encore maintenant, à 69 ans. Je pensais à Boom Boom Boom Boom. Il y avait un non, mec non, je crois que. Non. Ah, Johnny Hooker. B.B. King. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas Johnny Hooker. Dans le style. Ah oui, d'accord. Non, d'accord. Mais okay. Boom Boom Boom Boom. Ah oui, le Boom Boom, ouais, le titre, oui, oui, oui. Alors, The Baseballs. Voilà. Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai voulu te faire plaisir et en fait, pour rejoindre ce qu'avait fait déjà Sherlock la fois dernière avec les covers. Bon, mieux. Et je me souviens, je voulais faire que. je l'avais préparé cette chronique et pour raison technique, j'avais pas pu la faire. Donc, elle va être relativement courte parce que bon, ils n'ont pas une grande carrière musicale puisque c'est un groupe très récent en fait, hein, créé en 2007. Alors, je vous le donne en mille. Ils sont de quelle nationalité ? Allemande. Ouais. Bah oui. Mais je le sais, moi, forcément. Ouais, tu le savais. La Baseballs, ouais. C'est allemand, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Deutsch gelernt. Gut. Non, mais je le savais. Oui, voilà. Et donc, effectivement, c'est donc pas un groupe, mais c'était tout simplement pour les covers, puisqu'on en était venu à parler de reprises dans un genre qui est plus propre au mien. C'est vrai, Rockab, de toute façon, ils ont ouais, voilà. Aussi Rockab un peu. C'est, ouais. Alors, on en parlait avec Toff tout à l'heure. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est un petit peu, c'est un côté trop clean, trop commercial. C'est, oui, c'est plutôt le côté, tu avais trouvé le mot juste, cliché. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, vous me cassez les pieds, pour pas d'autre chose, mm-hmm. Avec les formants. Pour nous, ça, c'est en rien représentatif de ce que nous, on aime, en fait. On n'ira jamais à un concert des formants comme on n'ira jamais à un concert des baseball. C'est trop clean, c'est un cliché trop. C'est commercial, mais évidemment. Oui, non, mais oui. Pour te donner une idée, j'ai toujours comparé ça. C'est passé du lait fraise au Jack Daniels, quoi, en fait, tout simplement. D'accord, pas mal. Voilà. Mmh. Et c'est donc, pas mauvais, hein, les fraises, quand même. Ouais, c'est hein? Quand on est malade, ça, et encore. Donc voilà, donc les Baseballs, effectivement, c'est un groupe berlinois à l'origine qui était fondé en 2007. C'était beaucoup plus récent que je ne pensais. Alors, pas une grande carrière d'un point de vue discographie. Ce qu'on retiendra d'eux, ben effectivement, ils se sont fait remarquer, et ça, je pense que pour le peu de gens, parce qu'ils sont pas si populaires que ça, nous, à la limite, dans le milieu, quand on évoque le nom de baseball, le morceau qui restera, ce sera effectivement Umbrella. Umbrella, ouais. Et qui était donc un morceau de Rihanna, et qui est de la même année, 2007. D'accord, voilà. Never be a world apart, or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Moi je suis fan, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Ouais, tu connaissais pas ? Non, je connaissais pas, non. Ah d'accord. À savoir, moi dans mon esprit, parce que nous, c'est ce qu'il en reste, hein, comme je dis, n'ont pas eu tant de succès que ça, même nous dans le milieu qu'on connaît le groupe, en France notamment. Alors ouais. Peut-être effectivement, puisqu'ils sont d'origine berlinoise, dans les pays européens a été évoqué la Suisse. Peut-être la Suisse et que la proximité. Moi, j'en étais resté à 3 albums. Ils ont quand même, on a compté tout à l'heure, j'étais surpris, 6 albums. Ah oui. Mais qui, ouais. Pour les derniers, n'ont pas connu le succès des deux premiers, tout au moins. D'accord. Hein, donc voilà. Alors là, on était en 2007. Ils ont fait d'autres reprises. Hein, mais celui-là, ce titre-là, Umbrella, donc c'est franchement le titre qui les a propulsés. Il y avait quoi également ? Il y avait un autre titre, en fait, qui est toujours une reprise, hein, donc Hot and Cold, et qui est de. Alors ça, c'est sorti en 2008. Hein. Ça, c'est de Katy Perry. Cold. Voilà, Katy Perry. Ok. Hot and Cold. Pas Hot le chapeau, mais. Woo! And you beat a mess like a bitch, I don't know. And you always think, always speak cryptically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot and you're cold, yes, then you're numb. You're in and you're out, you're up and you're down. You're wrong when it's right, it's black and Ah, moi je suis fan, franchement j'adore. Hein. Et je préfère même cette version là que celle de Katy Perry en fait. Ouais, bon j'aime bien aussi celle de Katy Perry. Ouais, t'aimes bien Katy Perry, tu veux dire. Aussi, oui. Ouais. Alors, on en parlait avec Except tout à l'heure. Avec toi, pardon. C'est que dans ce style, puisqu'on parlait, c'est comme ça que j'en suis venu à faire une chronique là-dessus. Dans le style rockabilly, il y a d'autres groupes qui font des reprises, des covers adaptés avec un son rockabilisé, on va dire. Ouais. Et ça passe en général, c'est ce qu'on disait. Si les basses sont déjà rock, ça, c'est facile à faire. Mais il y en a qui arrivent à faire à merveille, même avec des morceaux. On avait un groupe de Montpellier, les P-Drivers, qui avaient repris Alice La Bonita de Madonna. Et franchement, bon, n'ont pas eu la même popularité non plus. Que dire ? Bon, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Effectivement, là, les deux titres que j'ai passés sont peut-être les plus connus, les plus parlants par rapport à leur créateur, on va dire, à l'origine. Mais on reconnaît bien le titre. Alors, il y avait quoi après ? Il y avait Crazy in Love, qui est un titre de Beyoncé. Tout à fait. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. So deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to call your name two, three times in a row. Celle-là j'aime bien. Ah ouais, non mais celle-là je préfère celle-là, celle de Beyoncé, tu vois. Ah ouais, mais je préfère Beyoncé moi aussi quand même. Mais bon, oui, après, c'est pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Voilà. Disons qu'elle a certaines courbes, c'est une ligne avec laquelle t'aimerais aller à la flèche. Absolument, absolument. Et donc Patrick Cyril, ça vous parle ou pas là? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Si, tout à fait, mais avec, faut un petit peu écouter, un petit peu prendre le temps la musique. Baseballs, comme le baseball. Ouais. Et faut aller voir, et franchement, c'est sympa. Ouais, bon, on m'a piqué mon album, moi, mais bon. Il ne tourne plus. Bah non. Il n'y a pas de date de programmée. Ils sont un petit peu tombés, j'irais dans. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu les produits de feu de paille, quoi? Enfin, on a si, créé parce qu'ils ça, ont profité. Comme, voilà, pour profiter un peu, ils ont surfé ouais, sur une vague. Il y a eu un moment, parce qu'il y a eu un. Il y a eu un petit peu la mouvance retour. Ouais. Parle au micro si tu veux bien. Donc, je disais, donc c'est un petit peu la mouvance, le retour au rétro, au vintage. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Après, c'est un phénomène de node. Bien sûr. On va pas se voiler la face. C'est bien dommage d'ailleurs. Ben oui, mais bon, après, c'est comme ça. Eh oui, tout à fait. Ouais, mais à la limite, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'après, il y a des dérives. Ouais. Mais la mode, ça veut dire quoi, quelque part? Ça veut rien dire du tout. Ouais, non, c'est dans le courant, c'est su. C'est-à-dire, si il faut se mettre à s'habiller qu'un tutu, une plume dans le cul, bah tout le monde le fait. Ouais. Non, bah, c'est ce que je dis. Non, mais il y en a. Je suis pas sûr. En gros, c'est ça. Oui, oui. En gros, c'est ça. C'est quelque chose qui est imposé. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, après, qu'est-ce qu'on avait? On avait un autre titre. Angels, ça vous parle aussi? Oui, oui. Robbie Williams. Alors en fait, là, je suis en train de descendre parce que j'ai remarqué que dans la sélection que j'ai faite, par rapport aux titres les plus connus, on est en train de remonter un petit peu progressivement jusqu'à les années 90. Et celui-là, donc Angels, c'est de Robbie Williams. Tout à fait. Ah ouais. This is where we go when great and low. Oh, because I've been told that salvation, that's where wings unfold. So am I lying in my bed, my thoughts running through my head, when I feel the love is dead. Well, I'm loving angels instead. Et là, sérieusement, au niveau des arrangements, c'est quand même c'est costaud, quoi. Ça plus, tu vois, j'en reviens toujours parce que vous n'arrêtez pas de me casser les pieds avec les forbans. Ouais. C'est incomparable, ça a plus de pêche. Vous me donneriez le choix entre forbans et ça, je vais voir les baisses. Nous, on te casse les pieds avec les forbans. Oh, je suis étonné que là, aujourd'hui, vous ne l'ayez pas fait. D'ailleurs, dans ta sélection, là, des chansons françaises, à un moment, j'ai craint le pire. Et j'y vais me faire un de ces coups. Et non. Et ben non, parce que j'avais déjà fait cette chronique il y a quelques temps, même quelques années peut-être. Et là, oui, j'avais mis les forbans dedans. Ouais. comme le paquet de chips, les flip-flaps. Oui. Je vais répondre, va chier. Enfin bref, merci pour la pensée. Et allez, on va terminer, puisqu'il y a d'autres titres, hein, j'en ai passé quelques en crible, mais je voulais rester surtout dans les titres, même si on n'est pas dans les années 80, des titres qui parlent à tout le monde. Hein. Oui. On va terminer, et là je vais te faire plaisir. Bah, on va résumer normalement le titre. The Zai Zai. Non, ça c'est français, donc ça ils prennent pas ça. The Look. Roxette ? Oui. Ah ouais. 88. Ah oui. Ok. Man, I hit like a hammer, she's a jelly nice scum, never was a critter. Kissing like a raindrop, she's gone for work. Haven't been back, cause heaven's got a number. When she's turning me around, kiss me as a collar. Love me as a wild dog, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Naked to the table as a lover's disguise, banging on the headroom, shaking like a mad bull. She's got the look. Et voilà. Ah ouais, non, et donc tu nous disais hors antenne qu'effectivement en live ils étaient. Oui, oui, oui, j'aime bien juger. Il y a des groupes, même d'ailleurs, parce que forcément, on va pas fondé cool l'album, mais on se dit tiens, j'aimerais bien aller voir en live. Il y a des groupes, ça a été notamment le cas souvent dans les années 80. Je conseille aux gens d'aller d'abord les voir en live. Et parce que c'était des groupes qui étaient. De toute façon, il n'y a rien de tel. Il hein, y a des gens qui sont faits pour la scène, il y a des gens qui ne sont pas bons du tout en scène. Mm-hmm. Pour la scène, pardon. Et qui plus est, avec parfois un chanteur ou une chanteuse. C'est là que tu vois que le studio fait la différence. Quoi. Bien sûr, évidemment. Dans le style qu'on écoute, il y a les Billy Moon Explosion, la chanteuse a une superbe voix. Le problème, c'est qu'en live, elle ne sait pas porter sa voix. Quoi. Ah oui. Parce que, alors pour certains, j'ai mes amis qui ont dit « Oh putain, je suis déçu par rapport à l'album, elle chante faux. » Elle chante pas faux, mais elle a une superbe voix, mais elle est trop fluette. D'accord. Voilà. Elle va mûrir, t'inquiète. Alors, si vous êtes sage, si ça vous a plu, la prochaine fois, on va continuer un petit peu dans le même esprit. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un groupe, par contre, qui n'est pas connu, mm-hmm. qui s'appelle les Rockers Covers. Ouais. Alors, c'est un jeu de mots. Les Rockers Covers, en moto, c'est les cache-culs buteurs ou en voiture. Oui. Oui. Et ça peut vouloir dire, dans un autre sens, les reprises des Rockers. Et ce sont des jeunes Anglais qui font des reprises et ils poussent plus loin encore. Poussent beaucoup plus loin, puisque en fait ils reprennent du Mariah Carey, ils reprennent. Ah, c'est excellent. Ouais, ils reprennent du Mariah Carey, ils reprennent du AA, années 80, Taïk Ambi par exemple. Ah ouais, ils reprennent énormément. On va pas tout balancer, mais ils en ont fait une flopée. Ah bah écoute, avec plaisir. Mais c'est avec très plaisir. très rockabilly là, plus que. C'est même limite Teddy Boy, hein, c'est plus. Les mecs ont plus un look plus proche d'une autre. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que. Plus jeune. Ah, ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont une vingtaine d'années, oui. Mais non, nous, ça nous rassure, la relève est assurée. Non, quand on voit ça, ça nous fait plaisir, quoi. Ah bah écoute, ce qu'on disait, il y a deux titres, notamment, que nous, on connaît plus, qui te l'ont pris, notamment un titre des Stray Cats, qui est un titre des années 80, sur lequel ils chantent les paroles d'une autre chanson. Ah ouais, donc une sorte de mash-up, quoi. Mais non, même pas, ils ont gardé le... Bah c'est le... L'orchestration et les paroles d'une... Voilà. Donc c'est, franchement, c'est pas mal. D'accord. Ils sont balèzes, ces petits cons. Ok, et écoute, prépare-nous ça, et puis avec plaisir, rappelle-nous le nom du groupe. Alors les prochains, ce sera les Rocker Covers. Les Rockers Covers. C'est parce que je pensais toujours aux covers, et encore une fois, c'est pour ça que j'ai choisi de sortir de... Je l'avais promis la fois dernière, puisque tu me l'as demandé. Eh bah c'est génial. C'est ton dernier mot, Flipkat ? C'est mon dernier mot. Alors effectivement, pour la discographie, je pense qu'on peut, on le disait tout à l'heure, trouver sur des sites spécialisés, mais ils ne tournent plus à l'heure actuelle. D'accord. Ils en sont à 6 albums, le dernier date donc de 2016, mais je pense que ça doit être plutôt une compile parce que j'en ai pas entendu parler. Ouais, d'accord, c'est possible, c'est possible. Bah, en tout cas, merci. Ça vous a parlé, les Baseballs ? Non ? Non, je pense pas. Non, non, non. Non, non. Et écoutez, si ça vous intéresse... Mais on a reconnu. Hein ? C'était bien d'avoir connu. Oh. Ah ouais, non, sérieux, c'est un groupe qui... Enfin, moi, il m'avait marqué à l'époque, il y a quelques années. En 2007 pour le coup, oui, tout à fait. Alors, sorti le premier album avant. Je peux dire que c'est peut-être à mon avis celui qui a le plus cartonné. Ouais, je pense que c'est celui qui a le plus marché effectivement en 2007. Écoute, merci pour cette belle chronique. On rappelle qu'on est avec les Didi's. Alors, si vous deviez faire votre auto-promo inciter les gens à venir vous voir samedi, qu'est-ce que vous diriez? Sachez que vous êtes tous les bienvenus. L'équipe d'Harry, l'équipe de sa radio RQC. Tous les auditeurs, vous êtes bienvenus au Palais des Sports le samedi soir de 19h à minuit. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. On vous attend tous. Et Cyril, tu dirais quoi, toi? Pas mieux. Il y a tout dit. Il y a boire, il y a manger. C'est le principal. Alors, ce que je propose, c'est que, bien sûr, après, ça a été sorti Cinoche, on va se refaire une petite coupure musicale, oui, avec un titre de Didiz, évidemment. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, tu me parlais d'Eros Ramazzotti, tiens. Ouais. C'est lequel? Una storia importante. Voilà. Ah, ouais, celui-là, il peut être sympa, celui-là, non? Bien sûr. Ah, bah, qu'est-ce que t'en penses? Una storia importante. Ouais. Et puis. J'ai pas l'accent, hein. Attends, parce que là, je suis en train de rechercher les. Oh, ces intérimaires, ils sont terribles. C'est dingue. Je crois que t'as fait une connerie en renouvelant son contrat, là. Ouais, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, on va le sortir quelques temps, mais. J'ai renouvelé pour pas payer les. Ouais, je le sais, mais bon. Mission, quoi, donc, ça serait bien abstenu, hein, franchement. Bah ouais, je sais bien. Regarde le temps qu'on perd, là. On attend d'aller boire une bière au bar. Mais non, mais c'est fait, moi. Et il répond, en plus, t'es fronté. C'est dingue. Mais c'est vrai, moi, je vous attends depuis tout à l'heure. D'ailleurs, tu nous tutoies, et ça nous plaît pas, vraiment. Oui, on t'a déjà dit, hein. Il y a plus de précisés, hein. Ouais, je crois que je vais faire un petit mail à pour qu'il t'envoie un avertissement là. Ok, ça marche. Bon, on va s'écouter un titre que Flipkat adore. Non, c'est Lève ton fût de là des forbans. Et voilà, ça te fait arriver. Eh bah oui, il m'a chauffé avec ça. Et bah, c'est bon. Voilà. Et je tiens à le préciser parce que ça j'aime bien, c'est pas l'original. Ah oui, bah ouais, je me doute bien. Ouais, bien sûr. Ensuite, bon, il y aura un petit Jean-Jacques Goldman avec Encore un matin. Ouais. Et on reviendra donc avec Eros Ramazzotti, Una storia importante par les Didiz. Et donc là, le premier titre, c'est quoi? Tu vas nous passer les... Les Forbans. Les Forbans. Les Forbans. Les Forbans, connais-tu? Voilà. C'est un peu comme les flibustiers, c'est les Forbans, mais... Ouais. Et c'est Lève ton fût de là. Lève ton fût de là. D'accord. C'était chiadé les paroles à l'époque. Ouais, ouais, t'as vu ça? Allez, c'est parti. Bonne chance. Oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bip-bap, chug the rock. Retire ta jambe de bois, oui, bien, on s'arrête. Jump.

Sarah Le Thor, un gros bisou à toute l'équipe d'RQC à 80 à l'heure. Plein de bisous. Ah, ça, quelle jolie chanteuse, n'est-ce pas? Oui, et quel beau brin de voix. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Quel beau brin de femme aussi. Oui, évidemment, tout va avec. Ça va, oui. De pair, la voix, le physique. Sarah Le Thor, hein, d'ailleurs, qui fait une belle tournée un peu partout, qui chante à la base du Godspell. C'est sa formation initiale et qui maintenant part un peu dans le, je sais pas, on appelle ça un peu du R&B, du soul. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Donc Sarah Le Thor, évidemment, qu'on suit régulièrement et qu'on a eu aussi en interview il y a quelques temps. Et je suis en train de dire qu'on l'a même pas retransmise. Il faudra aussi à la rentrée. Putain, on a du retard, mon ami. C'est ça, ouais. Ah ouais, carrément, carrément. Mais bon, promis, à la rentrée, de toute façon, on vous retransmettra toutes ces interviews. À la rentrée, on va travailler. Ouais, on va bosser. En septembre, pour l'instant, on est un peu en dilettante. En tout cas, on est bien accompagné, puisqu'on a accompagné quand même des Didis qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Avec Cyril. Oui. Non, il faut que tu mettes un peu plus d'enthousiasme. Alors, avec Cyril. Oui. Et avec Patrick. Oui. Avec Flipkat, évidemment. Ouais. Bah, lui, il fait pas partie des Didis, hein, mais avec Sherlock. Oui. Et puis avec moi, évidemment. Oui. Ouais. Et donc, les Didis, on rappelle évidemment, donc vous venez d'entendre justement l'interprétation, enfin la reprise donc, de Eros Ramazzotti avec Una Storia Importante, c'est ça, hein? Si. Donc, que vous aurez peut-être, on ne sait pas, parce qu'ils ne veulent pas nous le dire, c'est la surprise. Mais il y aura plein de surprises. Voilà, il y aura plein de surprises, ça apparemment. Fait un peu trop de surprises. Peut-être un peu trop aussi, ouais. Ah, bon, on verra ça. De toute façon, c'est ce samedi-ci. Surtout, vous n'avez pas de raison pour ne pas y aller, puisque c'est gratuit. Ça se passe donc au Palais des Sports à partir de 19h. Donc, le Palais des Sports, hein, c'est un petit bar bien sympa, familial. Là, ça va être un bel événement parce que toute la rue sera bloquée. Il y aura toute une grande terrasse. Et s'il fait beau, ça va être... Vous êtes bienvenus. Hein. Voilà. Oh, on n'y manquera pas. Ah, bah bien sûr, Flipkat, il faudra qu'il soit. Il y a une super bonne ambiance. Oui, alors justement, j'ai regardé par la date, je ne serai pas là. Ah. A priori, à moins qu'il y ait un changement. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, il y aura peut-être un changement, mais moi j'y serai, ça c'est clair. Sherlock, tu passeras un petit peu? Oui, j'espère pour me libérer. Avec madame, ouais. Avec mesdames. Mesdames. Ouais. Ouais, ouais, parce que j'ai plusieurs femmes. Voilà, j'ai vu l'événement, tu l'avais balancé, j'ai vu ça hier. Oui, il est sûr, évidemment. On a partagé l'événement, ouais. Sur la page 80 à l'heure. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les Didis, ben, vous allez directement sur Facebook et vous tapez Didis, hein, D-E-E, plus loin D-E-E, avec apostrophe S, et puis vous les retrouverez. Mais on mettra le lien, hein, sur la page de l'émission pour que vous puissiez retrouver donc, Patrick et Cyril, donc des Didis. Vous allez assister quand même aux sorties Cinoche. Allez, encore 5 minutes là. Je voudrais pas abuser parce que Cyril travaille demain matin de très bonne heure. Ouais. Ouais, non, non. Non. Oh, quel rabat-joie celui-là. Ouais, voilà. Non, il y a non, mais on comprend. Non, c'est un emploi récent, il faut respecter un petit peu. C'est vrai que demain, pour la petite information, Cyril travaille donc à 4 heures. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc, okay, je comprends. Un peu chaud. Et faire le tapin à cette heure-là, c'est quand même pas évident. Donc, évidemment. il est fatigué, il faut qu'il se couche juste avant. C'est là où ça marche. Hein. Oui, bah, oui, c'est à 4h du matin. Je suis pas sûr, mais bon. Les 4, ça marche à 4h du matin? Oh, pour moi, je suis sur là quand je suis pas couché, oui. Ouais. Et ben donc, on va saluer évidemment donc Patrick et Cyril, donc les Didis, que vous allez retrouver donc ce samedi soir donc au Palais des Sports, donc à Waterloo, donc à partir de 19h, pour un concert festif pour clôturer donc la saison du café, puisqu'en fait le café se met en congé pendant quelques semaines. Et donc pour fêter l'événement justement, donc les Didis vont se produire donc ce samedi soir, donc à partir de 19h. Plus d'infos évidemment sur Facebook. Merci Patrick, merci Cyril. Merci à vous, merci à toute l'équipe d'RQC et à la prochaine fois. Bah, c'est plaisir, ça marche. Parce qu'on a une revanche au niveau du quiz musical. Ah oui. Ah bah écoute, c'est très bonne idée, tiens. C'est vrai. On espère que vous serez meilleur sur scène que pour le quiz musical. Donc on reste les mettre de 20h. On attend la prochaine invitation, mais sans PC aussi. Ouais, non, ouais. Mais je peux te montrer, tu peux regarder l'historique, on n'a pas triché. Non, c'est vrai. C'est on n'a même pas de Shazam là-dessus pour. Eh bien, ce qu'on va se faire, c'est qu'avant les sorties Cinoche, on fait une toute petite coupure musicale. Ça marche. Comme ça, on aura le temps de saluer nos amis des Didis, et puis on se retrouve juste derrière. Et j'espère que cette fois-ci, tu vas nous donner envie d'aller dans les salles obscures. Mais oui. Mercredi, demain. Bah, normalement, oui. Alors, bon, peut-être plus les enfants, mais oui. Ouais. Ça marche. Allez, bah on va se faire un titre que les Didis jouent également. Mm-hmm. C'est U2 avec With or Without You. Ouais, qui était repris par W d'ailleurs. Dans les années 90. Ouais, bon, ça, par contre, c'est pas une référence, hein, mais bon. C'est vrai, c'est pas trop la référence. Allez, on c'est s'écoute parti. Ça, c'est parti. Set in your Eh oui, You Too avec With or Without You. Absolument. Donc ça, c'est une chanson que les Diddy's reprennent également. Hein. Oui, alors il y aura de fortes chances qu'ils l'interprètent ce samedi soir, hein, je rappelle, ouais. au Palais des Sports, donc à Waterloo, dans le quartier du Laboureur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur la page Facebook et vous tapez donc Diddy's et puis vous aurez l'occasion donc de voir toute l'actualité. Il y a pas mal de vidéos d'ailleurs hein, de Patrick et Cyril qui se produisent à la fois en extérieur, même en intérieur. On a eu l'occasion de les voir se produire sur Waterloo à plusieurs reprises. Et là, bah, c'est une nouvelle occasion de les voir donc ce samedi soir. Donc au Palais des Sports hein, chez Céline et Jean-Pierre à partir de 19h. Donc si vous voulez passer un bon moment derrière un bon petit verre et puis derrière une ambiance musicale festive, bah, c'est le moment ou jamais. Voilà. Et oui. Oui, c'est vrai. Oui, la veille. Wake up. Non, that's just... non, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Je peux le faire, hein, mais ça collera pas. Bon, est-ce que... Alors si, tu fais l'intro, hein. Bon, tu recommences à zéro. Allez. Ouais. Et si tu veux une augmentation, mon ami, va falloir t'améliorer. C'est hein. quoi, merde. Attends, 3 fois 0, ça fait combien, rappelle-moi. Bah, ça fait 0. Ah ouais. Bon, d'accord. Mais c'est mieux que rien. J'allais dire, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est 3 fois rien, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, ouais. Allez. Que se passe-t-il, R2 ? Mon père a besoin de Ventoline. Il est asthmatique. Ich bin dein Vater. Voilà. Ah non, d'accord, je dois faire des sorties ciné. Bon, ok, ça marche. Voilà, tu voulais que je fasse un lancement de chronique. Ouais. L'augmentation, c'est raté. Hein, je dis, là. Je crois que tu l'as lancé, mais elle est pas tombée très très loin, là. C'est ça. Bon, donc, je vais quand même vous parler des sorties ciné, donc pour demain, pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec la Belgique et le film Cars 3. C'est un film d'animation des studios Disney Pixar avec les voix de Guillaume Canet, Gilles Lelouch et Alice Paul. Et c'est un film de Brian Fee. Ça sort le 2 août, donc la semaine prochaine en France. Et donc c'est Flash McQueen qui est dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides et il se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver en souvenir de Doc Hudson que le numéro 95 a toujours été sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d'ingéniosité. L'aide d'une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d'un précieux secours. Mmh. Oui, bon, c'est bien pour les gamins, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien pour les gosses. Ouais. C'est ça. Mais je pense que ça va bien fonctionner en plus. Oui, il y a un nouveau modèle dedans bien. Oui, bah oui, forcément. Ouais, en tant qu'à faire. Il y a un nouveau modèle. Alors, il faut savoir que Flash McQueen, par exemple, c'est inspiré de la Corvette et de la Dodge Viper. Ouais. Viper, je vois plutôt du Camaro. Ouais. Génération. Non, moi j'ai lu en fait qu'apparemment il s'était inspiré de la Corvette et de la Dodge Viper. Tu prends l'avant, c'est une Viper pour la Corvette. Bon, après je cherche un peu là. Hein. Ouais. Les roues peut-être. Non, mais c'est un compromis. Les boulons de roues. D'accord, j'insiste. Les boulons. C'est Cendrier. Et Cendrier et Lada. Voilà, c'est ça. Non, alors pour les Lada, c'est des. C'est la vitre arrière dégivrante. C'est ça. C'est ça. C'est pour pas avoir froid aux mains quand on pousse l'hiver. Exactement. Alors, en fait, Lada, à l'origine, c'est un fabricant de cendriers. Ah, et la voiture est en option. Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, tu sais comment la différence entre une Lada et le Sida. Il y en a un qui ça t'arrive par filet, quoi. Voilà. Ouais, et tu sais comment. Et la différence entre une Lada et une hirondelle Je sais pas. Bah, essaye d'attraper une hirondelle. Ouais, okay. Ouais, bon. Et la différence entre une Lada et une Lada Sport. C'est pas les bandes. La les boule bandes. De caravane, je crois. La balle de tennis sur la tâche caravane. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Eh oui. Putain, mais où je suis tombé, moi? Où je suis tombé? Ah ouais, mais attends, bon. Il est tard, là, donc... Eh, voilà. Mais attention, parce que ça change avec la Lada Sport. Oui. Parce que là, t'as le mec en jogging à l'intérieur. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Mais riez pas, moi, j'ai eu une Lada. Eh, en jogging, et attention, ouais. Le mec qui sort de la Lada en jogging et en mocassin. Oui. Ça, c'était le must. Moi, j'ai mieux. Tu sais pourquoi deux possesseurs de Lada ne se disent jamais bonjour? Jamais. Non. Parce qu'ils se sont croisés du matin même à la concession. Mais moi j'ai eu une Lada Break. Ouais. Et elle était magnifique, franchement, avec pare-choc chromé et tout, je vous assure, hein, elle était blanche et increvable, hein. Mais vraiment increvable, je vous assure. Hein. Je vous assure, et je l'ai revendu, je sais plus combien elle avait de kilomètres, c'était une essence. Bon, évidemment, elle suçait, alors terrible. Je vous dis. Je faisais un plein, je faisais l'aller-retour à Luyin-Tourcoing, je faisais un plein. mais elle marchait super bien, hein, elle était revendable et. Bon, elle a dû partir au bled, à mon avis, mais. Ouais, et encore. Ouais. Et encore, je sais pas. Bon, enfin bref, on s'égare. Donc, ensuite, un film peut-être pour toi, Harry. Emmanuel Pas du tout. Ah. Non, toi, t'es plus film d'horreur. Donc, oui. J'ai pensé à toi avec I Wish, Faites un vœu. Avec Joey King, Ryan Phillippe et I Kong Lee. C'est un film de John R. Leonetti. Ça sort en France également demain. Donc pas facile de survivre à l'enfer du lycée. Claire Shannon et ses copines en savent quelque chose. Du coup, quand son père lui offre une ancienne boîte à musique dont les inscriptions promettent d'exaucer tous ses vœux, Claire tente sa chance. Et ça marche. Argent, popularité, petit ami, tout semble parfait. Mais le rêve a un prix. Au fur et à mesure de ses souhaits, des personnes de son entourage meurent dans des conditions particulièrement atroces. Claire le sait, elle doit se débarrasser de la boîte pour sauver sa vie et celle de ses proches avant de faire le vœu de trop. Oui, ouais. C'est son copain. Il y a un billard qui est arrivé dans son salon. Et elle m'attends, Pierre. Ah ouais. Et elle est sa tête. Si on l'a sorti la semaine dernière. Là, de elle est emmerdée parce qu'elle avait une grosse mythe dans son garage, mais c'est pas ce qu'elle avait demandé. C'est ça. C'est pas vrai. Mais et sincèrement, c'est le scénario bidon quoi. Bah oui. Mon avis, c'est du réchauffé. Hein. Ah ouais, c'est clair. Enfin bon, il y a pas de surprise dans le scénario. Enfin. Mais tous les films d'horreur sont sortis dans les années 80. Maintenant, ils reprennent les films des années 80 et ils refont le truc. C'est récurrent. Hein. Avec le fameux magazine Mad Movie. Tout à fait. Oui. Eh oui. Il y avait aussi Starfix. Je lisais juste Star Armée. Eh oui. 86, 87. Ça n'existe plus tout ça. Je pense pas. Mad Movies, il existe encore. Mad Movies, ouais. Si si. Starfix, moi je me rappelle. J'ai acheté le Starfix. D'autres films, non? Oui, bien sûr. Il y a Diarrhée aussi qui doit sortir, non? C'est un film à chier, c'est ça? D'accord. C'est ça. Non, c'est plutôt. Aussi. Alors, donc, un autre film d'animation donc pour la France, ce coup-ci, c'est Les As de la Jungle. C'est avec les voix de Philippe Bozo, Céline Monsara et Richard Darbois. Alors, Céline Monsara qui. Rombo. Voilà. Ah ouais, alors la voix de Rambo, entre autres, Céline Monsara, c'est la voix de Julia Roberts, entre autres. Ah bien. Ou pour ceux qui aiment Dragon Ball Z, c'est la voix de Bulma. D'accord. Ah oui. Donc, oui, juste. Enfin Dragon Ball non, mais Julia Roberts, oui. C'est une actrice de voix. Bah oui. Alors parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle doubleur, c'est des acteurs de voix. Alors donc ça sort en Belgique le 9 août et c'est un film de David Allo. Allo, A-L-A-U-X. Ouais, ah ouais, non mais Allo, quoi. Donc Maurice a tout d'un pingouin, mais le tigre est en lui. Élevé par une tigresse, ce pingouin, loin d'être manchot, est devenu un pro du kung-fu. Avec ses amis les As de la Jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l'ordre. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires, pas très futés, a pour projet de détruire la jungle. Oula. Voilà. Ouais. Bon, c'est gentil aussi, c'est pour les gosses, avec, à mon avis, un humour un peu second degré aussi, pour... Un poil pipi caca, bon, c'est normal, c'est pour les mômes. C'est vrai ? Pourquoi t'avais le droit ? Je pense, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout, mais de toute façon, ce genre de film, effectivement, c'est toujours calqué sur la même chose, quoi. Alors, et ensuite, je vais finir par un film qui est français, je sais pas quoi vraiment en dire en fait. Bon, je vais vous lire le truc. C'est Valérian et la cité des mille planètes. Ah, de Luc Besson. Hein. C'est ça, de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne et Clive Owen. Ça sort également en Belgique demain. Donc ça se passe au 28e siècle. Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargée de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le ministre de la Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha. Une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Mais en gros, il va y avoir un complot, enfin, il y a un truc bizarre. Ça va être le bordel, mon colonel. Voilà, alors bon, j'ai vu les images dans la bande-annonce, ça fait du Star Wars très bien, franchement. Les images sont très très très bien. Après, je ne sais pas si Valérian va attirer vraiment les gens de par le héros, en fait. En plus, y a, apparemment, il y a un nouveau concept. Enfin, ce film a été tourné d'une certaine manière. Il y a un nouveau concept. Il compte faire des suites, hein, déjà. Non, mais il y a un nouveau concept en termes de projection et de son. D'accord. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ils en parlaient justement. C'est la conception d'image par ordinateur, ni plus ni moins, mais oui, beaucoup plus avancée. Et je tiens à préciser effectivement que Valérian et Laureline, en fait, ce sont des héros de bande dessinée français des années 80 et c'est même ça. Années 70, même, je pense. Ouais, ils en font la pub pour sortir les fascicules. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Mmh. Donc, mais alors, c'est ça qui me. Je vais dire qu'il me chagrine un petit peu, c'est que Valérian est beaucoup moins connu qu'un Star Wars, parce qu'il faut clairement se dire que c'est du Star Wars à la française. Hein. D'accord. Et Besson a pour intention, d'ailleurs, si ça fonctionne, de faire d'autres films pour en faire une saga également comme Star Wars. Mmh. Mais il faut savoir aussi que George Lucas s'est inspiré de Valérian, la BD. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Okay. Donc, c'est voilà. Un retour aux sources. C'est, en fait. Voilà, c'est un peu un retour aux sources. Mmh. Alors, c'est le film le plus cher de Luc Besson. 180 millions d'euros. C'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que si le film ne fonctionne pas, sa société EuropaCorp va couler. Ouais. Lui dit que non, apparemment. De toute façon, ça va sortir dans le monde entier. Il s'est couvert derrière de tous les côtés. Mais... Ouais. Alors, c'est sorti aux États-Unis cette semaine. C'est arrivé en 5e au box-office. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais lui pensait, alors lui pensait arriver mieux quand même, mais ouais. c'est arrivé 5e au box-office. Ah, peut-être qu'il a pensé que ça allait marcher comme Lucie, quoi. Enfin, parce que peut-être, Lucie, ça a super bien marché. Oui, ça a très très bien marché. Même Arthur, les Minimoys, bon, c'est pas du tout dans le même concept, mais ouais. Ça, le 1 a très très bien fonctionné, il est reparti sur une saga, et il y a même du Futuroscope. Le Futuroscope s'en est inspiré pour faire des animations. Mais bon, après, on verra bien, quoi. Mais voilà, donc. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner parce que le film en lui-même a l'air très bien tourné. Enfin, c'est du Luc Besson, donc on sait ce qu'il vaut quand même. Hein. Il vaut du très bien comme du beaucoup moins bien. Après, quand il délègue, c'est beaucoup moins bien. Mais voilà, il sait faire du très très bon. Et on l'attendait pas forcément sur ce registre-là. La dernière fois où on l'avait vu dans de la science-fiction, c'était le Cinquième Élément, qui avait très bien marché aussi. Tout à fait. Donc là, j'attends de voir, parce que franchement, je suis dubitatif. Ouais, je sais pas. Je suis dans l'expectative. Et vous iriez voir quoi, alors, Phil 4 ? Ah bah écoute, j'étais en train d'en faire justement. Alors lui, il irait voir Walk the Line. Walk the Line. Mais qui est sorti il y a pas mal d'années. Non. Toff, tu irais voir quoi ? Ah bah écoute, moi, j'irais bien voir Valérian. Valérian, mais par pure curiosité. Voilà, c'est ça. Par pure curiosité pour voir ce que ça vaut, parce que après, si on. Je reprends un petit peu ta bande-son. J'avais été voir le tout nouveau volet des Star Wars. Pas Rogue One, mais celui juste avant. Hein, oui, Star Wars 8, le Réveil de la Force. Voilà, bon, c'est ça. Le 7, pardon. J'ai été un poil déçu quand même. Hein. C'est du réchauffé. Donc là, il faut voir un petit peu si le sujet n'est pas essoufflé. Ah, c'est pas George Lucas qui est au scénario. Oui, je suis d'accord. C'est d'accord. Disney. Donc, mais là aussi, tu vois. On en a tellement vu, mais après, on peut être surpris. C'est Disney qui a racheté les droits de Star Wars. Ah oui, d'accord. À George Lucas. Oui, d'accord. Ouais. Lucas donc, George Lucas n'a pas. N'a pas écrit le film, c'est Disney qui a fait le film. Mais c'est vrai que je peux comprendre que même moi, je serais hésitant à aller le voir parce que. Quand tu es déçu un petit peu à la fois d'avoir été voir les précédents, parce qu'effectivement, il y a un phénomène d'essoufflement, t'hésites, tu dis qu'est-ce que ça va être. Alors encore en plus, si c'est un peu par Disney, on a peine à croire que ça peut... Maintenant, je ne dis pas que ça peut pas être mieux, hein, mais effectivement, les échos que j'en ai eus, c'est que c'est pas... On peut être surpris. J'ai l'impression que beaucoup de fans ont été déçus, et ça n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Bah, alors, le 7, oui, il y en a qui ont été déçus. Ouais. Par contre, ils ont été agréablement surpris par Rogue One. Oui, tout à fait. Ils ont trouvé un retour aux sources... par rapport à l'Empire contre-attaque, c'était plus dans cette mouvance-là, et on espère que lui sera aussi. C'est une histoire annexe. Oui, voilà. Et là, de par le passé, Lucas l'a déjà fait avec l'aventure des Ewoks. Ah oui. Exact. Si ça vous parle. Il y a eu deux films. Tout dessus. À fait. Je me souviens plus, mais c'est pas ça. Donc voilà. Ouais, enfin moi c'est du réchauffé, c'est du. À voir. Déjà vu. Oh, George Lucas a fait du très mauvais aussi. Hein. Ah, bien sûr. Avec Star Wars. Oui. Il a fait une histoire de Noël qui est passée une fois aux États-Unis à la télé. C'était juste une histoire spéciale avec des Wookiees, donc la famille de Chewbacca. Mm-hmm. C'était de la merde. Franchement, et d'ailleurs, de Chewbacca la merde, a eu les boules, là. Ouais, bah, et il s'est fait en guirlandais, d'ailleurs, pour ça. Ouais, ouais. Ok, et eh ben écoute, merci sur ces jolis mots. Eh bien, nous allons nous quitter puisque effectivement, oui. On a un petit peu dérapé au niveau de l'horaire, mais bon, voilà, on était en bonne compagnie. Merci Sherlock pour les sorties Cinoche. On rappelle pour nos amis auditeurs et auditrices, si vous avez envie de passer un petit samedi soir sympathique, donc il y a des Didis hein, qui se produisent donc au Palais des Sports, donc à Waterloo, donc c'est le quartier du Laboureur à partir de 19h. Donc Palais des Sports, un petit café sympa chez Céline et Jean-Pierre. Et puis bah, ça va être dans toute la rue, Sainte-Thérèse, où ils vont faire la fête en extérieur. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, allez-y, vous allez passer un très très bon moment. Et puis si vous voulez plus d'infos hein, directement sur Facebook, vous tapez Didis. D2E, apostrophe S, et puis vous allez retrouver Patrick et Cyril. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bah ouais. Même heure, même antenne. Voilà, et cette fois-ci, il y aura Stéphache. Oui. Pour le défi mix. Ensuite, il y aura peut-être même Onissa et Canon. Ah bah j'espère bien. Ce serait bien. Évidemment. D'ailleurs, on est peut-être un petit peu à l'avance, mais demain, ce sera l'anniversaire de notre ami Canon. Oui. Et ouais. Qui va fêter son demi-siècle. Ouais. Voilà. On prend un coup, pépère. Et un jeune homme, quoi. Ça fait longtemps qu'il l'a pris le coup, je te le dis. C'est un caca avant l'heure. Un quinca. Ah oui, tu vois, c'est pas bien caca. Hein. Ouais. J'ai eu peur. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien. Donc voilà, donc ce sera son anniversaire. Bon, on le fêtera la semaine prochaine, évidemment, quand il sera là. Également, je vous annonce que donc, le 22 août, nous allons recevoir donc, Miss Rondissima, qui viendra donc nous voir, puisqu'en fait l'élection aura lieu donc le 2 septembre. Il y aura certainement quelques candidates qui seront là également, et la présidente donc pour nous présenter donc l'élection et quelques-unes des candidates, et nous parler donc de l'événement qui aura lieu donc le 2 septembre au CSE Waterloo. Donc voilà. Ok, très bien. On va se quitter en musique. Oui. Ah bah pour faire plaisir à Flipkat. Mais là vraiment pour te faire plaisir. Ouais, vas-y. ZZ Top avec Legs. Ah, ah c'est pas celui qu'on passe le plus souvent. Eh non, c'est bien. Bonsoir. Et voilà. You're pulling my leg. Oh. Bon. Alors. Toi, t'as compris par contre. Oui. Bon. Which one? Talking about your leg. The right one. Yes, the longest. Ça va, je vous embête pas trop. Non, bah non, vas-y, tu peux t'occuper. Bon allez, donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ouais, allez, ciao.